IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui. Oh, mais quoi? Bon sang, quoi? Ah. Il a le micro dans la bouche, il a le micro dans la bouche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. Tout d'abord, les comédiennes et réalisatrices. Est-ce qu'elle lance des rumeurs? Mais non, ça c'est Justine le potin. Est-ce qu'elle envoie des lettres? Bah non, ça c'est Justine le postier. Oui, est-ce que c'est un chien policier? Eh bien non, ça c'est Justine la patte patrouille. Oh, elle joue au théâtre. Oui, bah le troisième est moins bien. Elle joue au théâtre dans un chalet à Stade de Josiane Balasco. Mais oui, ça c'est Justine le potier. Bonjour, bonjour. Attends, est-ce qu'elle est articulée par des fils? Justine le pantin. Oh oui. Allez, on fait que ça de tout l'épisode. Comédien scénariste, il fait partie du groupe de rock Jolamouk. Il vient de lancer la série Les Carnets de Docteur Bouffier, disponible sur Cybelle. Il est aussi un beatmaker. Et d'ailleurs, on va s'écouter un petit son. Ah ouais. Bonjour, je m'appelle Adrien Méniel. Je suis sympa, mais je suis un peu ronchon. Bonjour, je m'appelle Adrien Méniel. Je suis vegan, je mange des champignons. Bonjour, je m'appelle Adrien Méniel. Adrien. Méniel, le basket, oh oui, c'est ma passion. C'est vrai que c'est sa passion. C'est Gaël Mektoub. Ah oui. Très belle chanson, merci. Je l'avais proposé à Kendrick Lamar, il a dit non. C'est mieux, je préfère moi. Changer les paroles. Il est dans ta vie, il est dans tes bras, il a plus d'appétit qu'un barracuda, il boirait tout le Nil si vous le ne retenez pas, c'est Adrien Méniel. Ah oui. Chers amis, c'est les news du Floodcast pour commencer. Il y a Francky aussi. C'est vrai qu'il y a Francky en guest, j'ai pas préparé sa petite intro. Comment ça va, Francky? Ça va bien. C'est incroyable. Un petit peu chafouin. C'est vrai que maintenant qu'elle est là, on peut plus faire des blagues sur oh, Adrien, il encule son chien et tout, parce que là du coup c'est super bien. Non, parce qu'on avait fait ça la dernière fois. Ah bon? Et bah souviens-toi, tu te souviens pas, t'as oublié. Oui, je l'ai beaucoup ramené exprès pour que vous... Un choix. Pour vous arrêter. Si, quand elle vous regarde dans les yeux, vous osez faire cette blague. On commence avec Philippe Mest. Qui est Philippe Mest? C'est un artiste, tout simplement, de d'art contemporain. Footballeur. Il a créé un fonds d'art participatif. À votre avis, quel en est le concept? Un NFT. Pas un NFT. Attends, c'est quoi? Il a créé une œuvre d'art participative. Plein de gens ont dû lui envoyer des trucs. Ah, c'est la Pixel War, ça. Allez, Zidane. Waouh, défendez notre territoire, les mecs. T'es un CEO, mec. Les sourcils. L'équipe du matin. L'automne. Oh, j'ai rien regardé. Bon, bref. Fatigué. Non, c'est pas... non, fatigué, non, c'est pas ça. Fatigué. Est-ce qu'il a... Excusez-moi, pardon. Renaud. Fatigué. Vous parlez pas de phrase, vous faites juste des adjectifs. Fatigué. Mais non, mais c'est une chanson de Renaud. Ah ouais? Bah, c'est une non, c'est... Fatigué, fatigué, fatigué, fatigué de vivre, alors, fatigué d'aimer, fatigué, fatigué, ah, c'est ça, fatigué, fatigué, fatigué, fatigué, fatigué. Ouais, déjà, je vois très bien. C'était déjà bien. Excellent. J'écoutais encore Renaud à l'époque. T'es fier de moi, Francky? Ah. Non, c'est pas une chanson de Renaud. Non. Okay. C'est un truc un petit peu, voilà, qui a... Bon, je vous le dis, ça a fait le buzz. Non, je bah, vous le dis. On le saurait du coup. Ça a bien bah, fait non. Le buzz parce que personne connaît. Bah, allez, arrêtez. Mais dans le monde de. C'est la Pixel War. Dans le monde de la l'art crypto. Contemporain. De la crypto, bien sûr. C'est pas de la crypto. C'est un peu vieux, hein. Ça date de 2004. Hein. Oh, bah, d'accord. Ah, 2005, pardon. Le buzz à l'époque. Internet, oui. C'était sur le web. C'était, hein? C'était sur le pas web. Pas sur le web, pas du tout. C'est pas genre chacun peut mettre un bout de son. De cheveux ou d'ongles. Alors non, mais tu t'approches. Ah, de caca. Non, t'es encore plus près. Il y a du caca. Pipi. Y a pas, t'es encore plus près. C'était participatif. Hein? Participatif. Du sperme. Il fallait remplir alors, une piscine en caca. Non. Dans pas sperme. Mal. Alors il y a du sperme, mais à votre avis, c'est quoi l'œuvre? Oh. Une œuvre avec du sperme que des gens envoient. Un enfant? Non. Oh. Clairement. Non. Une statue de sperme? Non, pas une statue. Bah, pff, il a repeint une galerie. Il a peint la chapelle Sixtine. C'est pas de la peinture blanche, c'est du sperme. Ah, alors c'est pas ça. Non, Un gâteau? Non. Sperme. Du sperme. Bouteille à sperme. Un bon sperme. Je dis bouteille à sperme à la fin de la chanson. Ah bon? Mais oui, mais on a parlé en même temps, t'as pas entendu. Ah, parce que je me disais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me disais, ah, j'ai cru qu'il allait dire bouteille à sperme. Je dis bouteille. Un soda. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que moi, je connaissais la chanson de Renaud. Vous avez bouteille à sperme. Bouteille à sperme. Bouteille à sperme. Une bouteille de sperme. On pourra raconter bouteille à sperme? Non. Ah, mais ça me dit quelque chose. Pour l'Olympia, pour, bien sûr, pour l'Olympia. Pour l'Olympia, ouais. C'est même pas si intéressant. Si tu veux, je monte sur scène. Et en plus, on l'a déjà raconté. Ah bon? On l'a déjà raconté. Non, parce qu'on avait raconté le mug à sperme. Non, non, mais le mug à sperme. Pas la bouteille à sperme. Non, mais justement, écoutez. Non, non, mais gardons un peu de mystère. La bouteille à sperme du Snowweb? Non. Ah, là, oui. Non, non, non, non, non, mais il veut pas. Non, mais. C'est juste, bah, non, façon, c'est trop tard. Mais c'est un petit chevreuil, vous êtes des voitures. Et vous êtes en plein phare. Un énième gars qui parle de comment il se branle. Oh, bah voilà. C'est vrai que dans le floodcast. Oui, ça bah fait justement, on peut passer à autre chose. Ça intéresse les gens. Il y a le tiroir à ce Abonnez-vous à Acast Plus. Acast Plus. Et on vous raconte toutes les histoires de bouteilles de sperme. Non, c'est la bouteille à sperme. Il a gelé, il a fait des glaçons. Non. Mais t'es pas si éloigné parce que. Bah, je pense que je vais vous dire la réponse. Pas de fimo, petite pas de fimo. Non, il a pris un grand cube et il a rempli ça de sperme. Oh. C'est un cube réfrigéré de 1 mètre cube. Donc, sa proportion. Bon, c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est vrai, ça vient d'un glaçon. Mais j'ai une idée. C'est un très gros glaçon, mais oui. C'est ça. L'idée était de participer en devenant actionnaire du sperme cube. C'est le nom du truc. C'est le sperme cube. C'est le sperme cube. Le projet a démarré en 2005. Le jour où il sera vendu, chaque actionnaire recevra son retour sur investissement. C'est un ulule du sperme. C'est un ulule du sperme. C'est un kiss-kiss bande-bande, peut-être, on pourrait dire. Ah, bah ben ouais. Kiss-kiss branle-branle. Oui, bien sûr. On ça est d'accord... commence très fort. Ça snipe. On est d'accord que dans un moteur de recherche de News Insolite, t'as cherché sperme. Oui, oui, parce oui. que 2004, ça veut dire que c'est un non, truc que t'as cherché. Non, en réalité, c'est les auditeurs. Et d'ailleurs, n'hésite pas à continuer, qui me l'ont envoyé sur la messagerie du Twitter de Floodcast. Très bien. Ils sont sympas. Tout simplement. M'envoyez pas à moi. Non, non, parce que si vous l'envoyez à lui, il est spoilé du coup. Qu'est-ce qui est devenu le. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend le... C'est plutôt Jonathan, je pourrais vous le dire si vous posez la question. Non, mais le cube à sperme. Bah, le cube à sperme n'est pas rempli encore. Hein, il est en France. Mais la conservation. Un mètre cube, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est un mètre cube? Bah, c'est énorme. 2004, bah oui. Bah oui, mais une. Il y a peut-être pas beaucoup d'honneur en même alors, temps. Une fois le buzz passé, je pense que les gens ont arrêté de vouloir donner leur sperme, quoi. Non, mais j'ai fait un rapide calcul. Si une éjaculation, ça donne entre 1 à 2 cm cubes, disons. Si c'est un bon jet, un jet de vingtenaire, tu vois. Oui. Il lui faudrait entre 500 000 et 1 million de donneurs. S'il donne qu'une fois, après évidemment, s'il donne 2-3 fois, tu divises par le nombre de fois où il donne. Mais ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'investissement. Qui entre. Mais 1 million de personnes, c'est. C'est toujours en cours. Je sais pas, non, il y a pas de Gaga, il va envoyer Gaga bah, oui, participer. Déjà envoyez votre sperme au spermicube. Non, mais moi, spermicube. Spermicube ou spermcube? Spermcube, pardon. Spermcube. Non, mais ouais, moi, spermcube. Ça fait un peu apéricube. Ouais. Et un apéricube, ça peut ressembler à du sperme un peu solidifié. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, ils vont le commercialiser, je crois. Apérisperme. Non, mais moi, c'est la conservation. Comment c'est possible? Il y avait le congélé. C'est réfrigéré, c'est congelé. Il y avait eu un. Du sperme congelé, ça. Rajoute du sperme sur un glaçon de sperme, c'est dégueulasse. Il y avait un thread. Est-ce que c'est pas un peu gourmand de rajouter du sperme sur un glaçon de sperme? C'est la Il y avait crème. Eu un thread Reddit comme ça d'un mec qui disait un jour, j'étais en train de me branler devant mon ordi et je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée. Il avait ouvert le tiroir. Qui était devant lui de son bureau et il avait éjaculé dedans et le mec avait dit et du coup j'ai fait ça à chaque fois mais pendant je sais pas combien de temps et du coup le mec il montrait son tiroir à sperme du coup mais c'était une horreur quoi mais c'est un oui c'est un chien malade après ça prend vie ça attends, attaque c'est un chien malade c'est ou un chien malade un chien malade M. Night Shyamalan ou du un blob j'ai oublié Cronenberg oui c'est ça c'est vrai c'est plus Cronenberg une mère de famille Cronensperme. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas moi. Une mère de famille est devenue championne de France d'une compétition en battant son propre fils et son propre mari. À votre avis, laquelle? Donc championne de France. Championne de France. Alors qu'elle voulait même pas en fait elle. Elle s'est retrouvée championne de France. Elle était là genre oh bah d'où je suis championne de France. Il faut manger non? Pas manger. Un record de ne pas faire quelque chose pendant une certaine durée? Non, ce n'est pas un record de ne pas faire quelque chose sur une certaine durée. Si, il a vraiment bien répondu à ta question. Ouais, c'était très clair. J'ai à peu près repris chaque mot. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Littéralement. Mais tu sais, je suis un animateur professionnel. Je suis Difool, plus ou moins. Donc, Difool. Elle avait conscience qu'elle faisait ce. Oui, elle participait d'une certaine manière à ce record, à ce championnat, disons. Mm-hmm. Mais elle n'était pas compétitrice. Mais elle a participé d'une manière, mais en participant. Elle est devenue championne en battant son propre fils. C'est sérieux. Putain, on peut avoir un indice? Bien sûr. Elle pose des questions, enfin. Si, il faut que tu poses des questions. Ok. On peut pas avoir un indice, alors. Si, mais pose les bonnes questions. D'accord. Est-ce que c'est sportif? Ce n'est pas sportif. C'est manger quelque chose. Ce n'est pas manger, ça a déjà été posé par Gueule. Oh là là, dis donc. J'ai posé une question, j'ai un peu de sperme. Merde. Sperme, un rapport avec le sperme encore. Aucun cube. Pas de sperme. Le sexe. Le sexe. C'est pas de sexe. Non, elle a le fils dans l'histoire. Ouais, elle a battu son propre fils. Mais qui n'est pas adulte. Ils peuvent compétiter de manière parallèle. Ouais, mais même si c'est du sexe, c'est dommage. Si c'est un concours de branlette avec ta mère, même si c'est pas en alors, pas contact. Manger, pas attendre. Et pas de sperme. Pas de sperme. Putain, ça limite vachement. Est-ce que c'est... C'est rien. C'est faire quelque chose un nombre de fois Non. Période... Non, c'est dites-vous. Dites-vous c'est de la restriction. C'est pas de la restriction. Un truc répétitif. Non, c'est vraiment une compétition de quelque chose. Juste, ce n'est pas sportif, mais vous avez tous fait ce truc-là autour de la table, dormir. Je pense. Ah, autour de la table, attention. Non, mais même beaucoup de gens l'ont fait dans le monde. C'est un truc... Les vacances. Non, mais en vacances, tu peux faire ça. La plage. Non. Le farniente. Non. Le crash en éventail, mon pote. Cracher le vous plus êtes pitbull. Vous connaissez parfaitement l'été. Concours de crachat. Pas un concours de crachat. Elle est championne de France, tout à l'heure. De bronzage. Non, pas de bronzage. De non, mais oubliez les vacances. Vous pouvez jouer à ça. J'ai dit jouer. Vacances, ça, j'ai donné un très bon indice. En vacances, jouer. J'oublie tout, plus rien à faire du tout. Ah ouais. Personnellement, ouais. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Fatigué. Fatigué. Fatigué de vivre. J'ai envie d'écouter, putain. Est-ce que c'est fatigant? C'est un jeu. Est-ce que c'est fatigant? C'est un jeu. Ouais, ça, non, c'est pas fatigant. C'est cache-cache. Justement, c'est pas cache-cache. Elle s'est cachée trop longtemps. On l'a perdu. Non. Un jeu de cartes? Non. T'as dit quoi, toi? Trap-trap. Pas un trap-trap. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme. Non, c'est trap-trap. Tu connais pas trap-trap? Non. Allez. Non, c'est Augustin Trapnard. Augustin Trapnard. Trap-trap, ouais. Tu touches le. Mais c'est un loup touche-touche. Un touche-touche. Chat, quoi? Ouais, c'est chat. Chat, oui. Bah, bah chat. Dit chat. Il y en a qui disent trap-trap. Non. Non. Si. Qui dit trap-trap? Les rappeurs. Gaël. Trap. Mais Gaël, c'est toi. Caris, il dit trap-trap. Non, mais là, c'est quand il parle de la musique, ça n'a rien à voir avec le jeu. Dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Oui. Caris. Oui. Fatigué. On te casse le cul et on le répare. Caris. Oui, il dit ça dans sa chanson. Je te pète comme un bouchon de lièvre d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Ouais, on l'avait écouté en vacances avec Justine. Justine ne connaissait pas Caris et on a écouté. Il m'a fait écouter ça, j'ai beaucoup aimé, je l'ai redemandé souvent. C'est un jeu, voilà, je vous le dis, c'est un jeu. Mais c'est un jeu passif. Comment ça? Un jeu qui bah, se fait... un jeu de cartes, un jeu tu bouges pas, tu vois. Oui, c'est ça. Ah, oui. Un jeu qui se fait uniquement à l'oral? Non, petit non. Bac. Non. Un petit bac. Oh, j'adore les échecs. Non, un petit bac. Allez, petit bac. Petit bac après. Qui commence par un acteur? Adrien Méniel. Oh, bien joué. J'avais Antonio Banderas. Ouais, ouais. Le, non mais le Méniel espagnol. Bien sûr. Je suis espagnol, je rappelle donc. Ménielos. Arriba. Arriba Ménielos. Arriba Ménielos. Le titre. Donc oui, non, c'est un jeu. C'est Fatigado. Un jeu. Fatigado. Un jeu vidéo. Fatigado. Non. Jeu de société. Oui. Scrabble. Non. Vas-y, dis tout. Primal poursuite. Tu vas trouver. Non. Monopoly. Monopoly. Allez, bien joué. Oh putain. Oh. Bien joué. Elle est devenue championne de France de Monopoly. L'histoire se passe dans l'ouest de la France. D'ailleurs, je l'ai trouvé sur le journal Ouest France. Ouest France. Ah. Vous dire. Émilie Cognera-Rébeillère est devenue championne de France de Monopoly dimanche 8 mai 2022 à Menton, en Alpes-Maritimes. Donc, pas du tout dans l'ouest de la France. L'ouest. Pas du tout dans l'ouest de la France. C'est, toi, c'est Nice gars. Matin. C'est Nice mais Matin. Oui. Non, je l'ai vu dans Ouest France. Pourtant, cette merde de famille. C'est très large. Il n'a aucun sens. L'ouest du monde, si tu te places, genre en Russie ou en Chine. C'est à l'ouest. Pourtant, cette mère de famille ne devait pas participer à la compétition. Et c'est là où c'est fou. Elle remplaçait un absent, parce qu'à Monopoly, voilà, t'es obligé de donner un peu le change. Et le fait est que grâce à de la chance et grâce à des bonnes façons de jouer, de la bonne stratégie, elle a fini par humilier son mari et son fils et elle est devenue championne de France de Monopoly. Bravo, Émilie. Ouais, bien joué, Emily. Les femmes. Là, c'est un outsider. Bravo, Émilie. Non, je l'ai fait. Ouais, bien. Alors, si je peux me permettre, Menton est à la frontière franco-italienne. Donc, c'est vraiment... C'est... Ça ne peut pas être très plus... très à l'est. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le top de l'est de la France. Enfin, sur... ça, je dis rien. Ouais, c'est non, c'est oui. Sur West France. Hein. Ouais, ouais, non, mais. Non, non, mais moi, je. C'est... Non, mais West France. Comme quoi. Ça me fait chier depuis comme tout. Comme quoi, croyez pas, laissez tout ce que vous lisez sur les infos, les médias. Les poils, ça y est. C'est vrai, ouais, là, ça m'a. C'est foutu. À fond, ouais. Est-ce que vous aimez bien les jeux de société? Je sais qu'Adrien, par exemple, est fan du loup-garou. Ah, j'adore. Je déteste. Non, je tu veux déteste parler de ta rage contre j'aime le loup-garou. Bien, moi, j'essaie non, y a pas longtemps. Mais j'ai pas la rage contre le loup-garou, c'est juste que je trouve que ça ça implique ça incite un peu les gens à être un peu agressifs, un peu à se prendre la tête et tout, et je trouve que c'est une mauvaise ambiance quoi. Suspicieux. Non mais de dire mais non mais si t'as parlé à de mentir non, de s'accuser et tout. Je suis pas fan de l'ambiance quoi. Nous on a fait une des pires parties de loup-garou de l'histoire aussi où il y avait vraiment des compétiteurs acharnés. Genre ça devenait perso et tout, c'était horrible. Oui, c'était... oui. Et puis il y avait des gens qui étaient un peu qui le prenaient un peu mal de se faire accuser et tout, alors que c'est le jeu. Ouais. Du coup, ouais, pas une bonne ambiance. Et puis c'est long. Puis c'est... Et quand une fois que t'as perdu, Et quand des fois tu te fais chier juste à attendre que les autres jouent quoi. Ça je suis d'accord. Et tu peux perdre au bout de une minute hein, parce qu'il faut éliminer quelqu'un tout de suite. Et en plus tu peux perdre de façon totalement injuste. Arbitraire. Bon toi t'es un loup-garou. Et en fait c'est bon bah c'est-à-dire non la... mais du coup c'est-à-dire que la première personne qui perd se fait chier tout le long. C'est basé sur rien et elle n'a même pas eu l'amusement de dire oh là s'il vous plaît. Donc voilà, c'est totalement injuste, ça m'est arrivé. J'ai joué pour la première fois il y a 2 mois. Et alors, t'as aimé. T'as adoré ça. Oui, mais effectivement, j'ai essayé de défendre. C'est vraiment pas moi, en fait. Arrêtez, vraiment pas moi. Non, mais tu l'as pris pour toi, t'as souri. Tu fais le con à chaque fois. Non, là, c'est pas moi. Oui, bah, tu vois, tu fais le con à chaque fois. Et là, tu fais des trucs perso, tu vois. C'était non, mais t'es pas fiable. C'était chiant. De toute façon, ça, c'était de la merde ce que t'as fait. Bah, ça a rien à voir avec le jeu. C'est incroyable, c'est personnel. C'est juste un avis. En 2006, tu te souviens, t'as menti. Et tu te laves pas les dents. Bon, allez, ça va maintenant. Mais comme il y a des. Je me dis, comme il y a des variantes du loup-garou, où genre, par exemple, il y a des gens où tu peux être la petite fille, et il y a des. Ouais. Ouais. Et ça se trouve, il y a des gens qui ont inventé une variante où quand tu meurs, tu deviens un fantôme et tu peux quand même continuer à jouer. Oh. Oui, si c'est pas le cas, et ben faites-le. Vous aimez sinon les jeux de société, Gaël? Est-ce que t'aimes bien les jeux de société? Oui, j'ai découvert un jeu pas mal il y a pas longtemps, ça s'appelle Life. Qu'est-ce que et c'est un petit life. Jeu de cartes. Oh Life! J'en étais sur Oh Life! Oh Life! Life is life! Fatigué! Life, c'est trop bien et c'est un jeu de cartes. C'est pas. Pardonnez-moi, il y a le regard de Francky qui peut-être fait qu'on va. On va peut-être faire des floodcasts vidéo maintenant, juste pour avoir le regard de Francky quand on hurle. Florent le chien. Ton propre nom. Non. Oh non, elle se barre. Ouais, c'est. Donc c'est quoi Life? Qu'est-ce que c'est, Gaga? En train de chier sur le tapis. Oh elle chie. Oh non Francky. Oh Francky tu chies. Sur mes bottes. Life, c'est un jeu de cartes où tu dois pourrir la vie des autres. Ah, complètement le délire d'Adrien, ça. Ouais. Et c'est trop bien. T'as plein de cartes et c'est des métiers. C'est des. Tu fais des études et en fait chaque carte il y a des petits smiles. C'est des points. Mais c'est destin, ça. Mais oui, c'est ce que j'allais ça dire. Ça ressemble mais un peu. Mais c'est destin. Jouer à destin pour changer de vie. Fatigué. et c'est vachement bien parce qu'on a pris directement l'extension trash. Parce que tout le monde fait ça maintenant, des extensions un peu cul, un peu trash. Oh, blanc manger coco. Et c'est trop. Ouais, et c'est trop bien parce que tu vends du crack, tu fais des métiers un petit peu fun. Non. Oh là là. Et tu t'es éclaté. Oui, et à chaque fois qu'on a joué, on a beaucoup rigolé. D'accord. Blanc manger coco, un jeu que t'adores aussi, je crois, Adrien. Non, mais... Alors le pire c'est que j'adore les jeux de société. Tu me lances que sur ceux que j'aime pas. Mais dis-nous ce que t'aimes. Dis-nous ce que t'aimes. Dis-nous ce que t'aimes. Alors moi il y a un jeu. C'est pas un jeu de société, mais c'est un jeu que j'aime bien parce que c'est le genre de jeu où tu peux jouer n'importe quand avec rien. Et mais vous l'avez peut-être vu parce que moi je l'ai vu sur TikTok ce jeu. Et en fait le truc c'est ça peut se jouer à 4, à 2. Et en gros le principe c'est à 3. À 3. Ok. À 5. À 5. Ok ok ok. Vas-y. Ouais, oui, puis tout vous allez m'interrompre pour demander il y a 6. Bah, il y a des chances quand même, mais voilà. Donc on fait 3, 2, 1. Et chaque personne dit un mot qui lui passe par la tête, n'importe quoi. Ok, voilà, par exemple. Chèvre. Voilà, et en gros, bah, par exemple, si vous jouez tous les deux, toi tu dis bite, toi tu dis chèvre. Tu fais ok. Et en fait, le but, c'est de finir par dire le même mot tous les deux. Et donc, du coup, tu bite, chèvre, donc tu essaies de trouver un mot qui serait en commun avec les deux. Méniel. Ah ouais non bah j'ai. On voilà. peut jouer. On peut faire 2-3 tours de c'est ça. C'est bien. Allez. On est 4. Comment ça s'appelle? On peut jouer à 4. Bah on peut jouer à 4 mais okay. C'est très long du coup. On va jouer à 5. Ouais. Non, on fait juste un tour. Ouais ou à 6. Donc on va jouer mais rendez-vous à la fin de l'épisode pour écouter ce jeu. Bien sûr. Très bien. Au revoir. Ok. Bonne soirée. À bientôt. Justine, un petit jeu de société que tu kiffes? Non. Yes. Allez. Non moi j'aime Time Is Up, j'aime Concept. Ah, Concept. Si, j'aime bien Concept parce que j'ai beaucoup joué avec Adrien. Et des souvenirs de Golden, moi, pour ma compagnie. Ah, oui. Voilà, le jeudi soir. Il y a Imagine aussi, je sais pas si vous connaissez Imagine. Non, j'aurais dû l'amener, on aurait fait du jeu de société. C'est quoi, Imagine? On aurait ramené du papier brossard. Quelque chose, ça. Imagine, en gros, il y a plein de cartes transparentes. Ah oui! Avec des formes dessus. Et c'est un peu comme un Pictionary. Sauf que, en gros, tu prends les cartes et tu les combines pour faire des trucs et tu peux même les faire bouger pour animer tes trucs et tout. C'est très dur là ce qu'il a raconté. Si j'avais été à votre place, j'aurais rien compris ce qu'il a dit. J'ai joué aussi. Parce que t'es c'est con. Concept. Non, c'est très concept. C'est très concept. Il faut voir les cartes. Des petites cartes comme ça. Il y a des symboles, il y a des formes. Pardon. Transparent. Il a très bien expliqué. Ok, autant pour moi. J'avais très bien expliqué. Ok, très bien. Juste, t'étais en train de chercher un jeu de mots avec Brut, Combini ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas venu. Non. Un Américain est mort d'une crise cardiaque dans son jardin. À votre avis, qu'était-il en train de faire? Du jardinage. Non, il se branlait. Enfin... C'était pas se branler. On est dans le floodcast, Justine. Tu vas pas à chaque fois être choqué qu'on parle de sperme. Désolé. Beaucoup. Ah, je sais. En plus, tu ne parles que ça en rentrée. Arrête de faire. faire la choquer. C'est facile cette image que tu essaies de donner aux gens. Ça, alors qu'on la connaît. Pisser ou lâcher des caisses horribles. Une fois, j'ai quand même vu Justine Le Potier chier dans un bocal devant nous. Oui, c'est vrai. Dans une petite corbeille à pain. Oui, c'était poétique. C'était les vacances, mais bon. Quand c'est même. Bucolique. Moi, je sais, il doigtait son chat. Non. C'est un peu il méta. Est mort d'une crise cardiaque. Il faisait de la musique. Non. Il avait un instrument dans les mains, genre pas du des broussailleuses. Non, c'est un instrument de un outil, tu veux dire. Un outil. Il écoutait quelque chose. Non, il n'écoutait rien. Il enfin, l'histoire rien. Ne le dit pas. Peut-être il est mort comme ça. Non, pas comme est-ce ça. Est-ce qu'il faisait ah oui, il mangeait. Quoi. Il ne mangeait pas. Il chantait. Il ne chantait est-ce pas. Que il écoutait le Floodcast. Il n'écoutait pas le Floodcast. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait plutôt dans un jardin généralement? Non. Si, mais. Pas tant de gens que ça le font quand même. Du sport. Mais c'est vrai que c'est un truc qui se fait dans. Baiser. Non. Il pissait. Oh, il a baisé. Sur ses rhododendrons. Oh, le baiser, non. Ah merde. Du sport, non. Toi, non. T'as des rhododendrons chez toi dans ton jardin? Oui, tout à fait. Oh, c'est joli quand même. De deux couleurs différentes. Puis, mais l'hiver a été rude, hein, ça nous les a flingués. Hein. Je déteste. Ah, tu sais. Dégueulasse. T'es énervé contre tes rhododendrons. Je déteste. J'ai beau les couper et repousser. Qu'est-ce que tu fais, Gaël, dans ton jardin qui te ferait avoir une crise cardiaque? Très bonne question. Voir ta chérie. Ben, regarder ma chérie et faire oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Pisser sur mon rhododendron. Ouais, il revient. Ouais, c'est alors voir qu'ils ont repoussé dans la nuit quoi. Ouais. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, c'est dur. Il s'appelle Joseph McKinnon. Il creusait. Tout à fait. Ah, il creusait une tombe pour sa femme. Oui, mais pourquoi? Ah, il parce creusait, il l'avait tué. Oui, mais il l'avait tué. Oh là là. Alors, ça, c'est pas le karma. Je ah, m'y bah connais alors pas. Là, Joseph McKinnon, 60 c'est sorti ans. D'un coup. Eh, ce serait un film, on n'y croirait pas. Oh, bah alors, ça, on dirait. Moi, j'y croirais. Hein. Toi, t'y croirais, toi? C'est croirais génial. Pas. Tu croirais pas. Si, si. On peut. Quoi? Bah, vas-y, dis-moi que. Bah, il a tué, il l'enterre dans le jardin. J'y crois. Ah ouais. Joseph McKinnon, 60 ans, a été retrouvé mort dans son jardin samedi matin. Son corps ne présentait aucun signe de traumatisme, sa mort semblant naturelle. En enquêtant sur le décès, la police a découvert sur les lieux un autre cadavre, celui de Patricia Dent, dans une tombe qu'il venait de creuser. Les autopsies révélées lundi ont conclu que M. McKinnon était mort d'une crise cardiaque, tandis que Mme Dent avait été assassinée par strangulation. Et qui a retrouvé le gars? Stromae, le chanteur. Qui a retrouvé le gars? En direct du 20h en plus. Non, mais la police, c'est la police, tout simplement. Sympa. Ah. Belle découverte. Son autorité, ouais, Monsieur McKinnon. Il était dans son trou? Elle, non, il est pas tombé dans le trou. Non, il est pas tombé de l'autre côté. Stromae. C'est l'arroseur arrosé. Tout à ouais, avec une femme morte, mais c'est plus ou moins ça. Deux personnes. Deux personnes décédées. C'est tragique finalement. Que. Je reviens sur ma déclaration, c'est tragique. C'est triste. C'est affreux, c'est drôle. Oh, c'est sordide. Oh, c'est dramatique. Je le capte pas. Tout triste. Fous ma journée en l'air. Deux personnes qui sont mortes, quand même. On rigole comme des cons. Et voilà. Pour une fois que c'est pas de mes parents, quoi. Oh, j'ai le cafard. Complètement cafard. Que va-t-on être capable d'identifier sur notre passé par un simple prélèvement dans la joue? Et ce, grâce à la science. Nos ancêtres. La drogue. Alors, les traces de drogue. Non. Ils disent déjà ça. Ouais, ouais, non, c'est pas ça. Pas la drogue. Pas la drogue ah bon non plus. Non. Ah bon. Mais ah, quelque chose dans notre passé. Notre passé à nous ou notre ou passé à nous. Mais notre passé est notre passé lointain. Mais à nous, effectivement. Mais lointain. Mais lointain. Si on a eu le Covid. Pas le Covid. Zéro info Covid dans ce podcast aujourd'hui, je vous le dis. Non, oui, oui. J'allais dire un truc idiot. Ouais, puis j'ai le cafard en plus. Si on a fait une dépression. Non. Si on a tué des gens. Non, pas c'est lié à la santé. Non, pas à la santé. Oh. Non, pas du tout. Si on a déjà eu un petit coup de soleil. un petit peu de bien. Ah moi je pensais que c'est, j'avais jamais eu, mais apparemment. Un tout petit coup de soleil, pas très grave. J'ai bien fait de faire ce prélèvement. Niveau 2. Merci la science. Pas les niveaux 3 qui font très mal pendant 2 semaines. Non, c'est pas ça. Les partenaires, on trouve les partenaires qu'on embrasse. Si on a déjà baisé. Non. Pas baisé. Non, je vous dis, c'est longtemps dans le passé. Ah, quand on était pas nés. Avant notre naissance. Voilà, c'est les gènes. Oh waouh. C'est lié aux gènes. Avant notre naissance. Donc quand nous étions notre passé. What? Non, c'est quand tu étais fœtus. Oh. Ça va nous indiquer quelque chose de quand on était fœtus. Si la mère a fumé, le gros joint. Non. Tu te branlais déjà. Non. Tu mangeais du méconium. Ah, si t'avais un frère ou une sœur jumelle dans le bidou. Si t'as mangé ton frère. Non, je l'ai vu. Si t'avais un frère jumeau ou pas et qu'il y ait une fausse couche entre les deux. Alors c'est ça, c'est-à-dire que c'est encore très triste. Quel intérêt de savoir ça? Bah en fait, si tu peux. C'est très triste. Non, alors tu vas voir. Genre tu vis ta vie tranquille en sachant que tu n'as jamais. Là ils vont dire non, on va te tuer ton frère. Tu as mangé Greg Romano. T'es encore tristoun toi. Voilà, encore plus que tout à l'heure. Greg Romano, oui, c'est lui, il avait ingéré son frère. Je crois qu'il. Ah oui, c'est ça. Il y a eu un film là-dessus de Ozon où la fin, c'est en fait à la manger sa sœur, exactement. Jumeau avec Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger. Il le mange à la fin. Il y a un Stephen King aussi. Sur le même sujet. C'est un sujet éculé en fait. Il y a un Stephen Bach aussi. Ouais. Une chanson de Renault, je crois. Fatigué. Ingéré, mon frère. Dans le ventre de ma mère. Non, mais c'est horrible. Non, alors à quoi ça dire ? Mais pourquoi vouloir savoir ? Alors, ça vous avez, justement, et eh ben alors. Ah, parce que du coup, tu. Potentiellement, tu. Ça te tu dit si tu. Quand tu as eu un jumeau machin, tu as une sorte de cicatrice chimique due à la division de l'œuf et elle est conservée par les vrais jumeaux toute leur vie. Autrement dit, elle peut être utilisée pour déterminer si une personne a été à l'origine un vrai jumeau. À partir de cette découverte, les chercheurs ont développé un algorithme permettant à une personne, même des décennies après sa naissance, de découvrir s'il a un jour eu un vrai jumeau après une simple prélèvement dans la joue. Certains experts, cela permettrait entre autres de trouver la cause de certaines pathologies, des infirmités motrices cérébrales notamment, et de développer des traitements adaptés. Tu vois, il y avait pu avoir des complications vu qu'il y avait un autre fœtus qui était collé à toi, enfin qui était avec toi. Dans le Stephen King. Et t'as tout plombé. Voilà. Ah non, mais je vous le dis. De plus en plus tragique. Dans le Stephen King, ils ont trouvé une dent dans son cerveau. Ah. Oh, ça m'avait marqué ça, parce qu'il avait absorbé son jumeau. Après, il revient de manière maléfique. Mais il y a ça dans les personnalités. Il y a un film de James Wan qui est sorti qui s'appelle Malignante. James Bond, c'est ça. Maléfique. Où elle a un jumeau dans son crâne. Harry Potter. Mais c'est un peu nul. C'est les Griffins. Qui parle derrière. Non, c'est pas Harry Potter. C'est Voldemort. C'est ça. C'est la caméra de recul. C'est pas James Bond du tout. Je vois ce personnage, je l'adore. J'ai jamais dit James Bond. T'as dit James Bond. Bon, écoutez. T'as dit James Bond. J'ai dit James Wan. Bon, c'était la blague, mais. Non. Eh oui, mais lui, tu vois, c'est un vrai pote. C'est ça. Un vrai pote. James Wan, moi, j'ai vu que le 2, moi. Chut, silence. Voilà, c'est bon. À Quimper. Super. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Finistère sud. Ah, dans ton autre Finistère d'ailleurs. Oui, non, moi c'est le Finistère principal pour moi. Ah oui, d'accord, ok, pardon. À Quimper, un concert assez insolite va avoir lieu. Un concert de quoi, à votre avis? De sperme. Non. Un concert de rots. Non. Un concert de chiens. Non. Un concert de paix. Non, pas un concert de paix. Un concert de chiens. T'as dit chien? Elle a dit chien, mais c'est pas un ça. Un concert de chiens. Non, elle l'a dit, j'ai dit non. Un concert de chiens. De bouteilles, de verres, de bière. Non. Ah, ça a un rapport avec la Bretagne, un truc typique. Pas de du la tout. Non. TikTok, non. C'est TikTok. C'est pas. Concert de TikTok. C'est pas TikTok. Concert de crêpes. Non. Non, ça a rien avec le côté breton. Alors, Bretagne. Ce n'est pas un concert de crêpes, ce n'est pas un concert de bigouden, ce n'est pas un concert de matmata d'ailleurs non plus. De galettes. Non. Un concert de loups, de renards et de belettes. Non plus. Okay. Non, non. Ce n'est pas un concert. On va faire un petit tour, bah, par exemple, du côté de Lambé, par exemple. Non, pas d'accord, du tout. Non, non, non. Okay. Non, non, non. Ce sont des humains. C'est des humains qui jouent d'un truc. C'est des instruments faits à partir de légumes. Tu sais, tu fais des petits trous dans une carotte, ça fait une flûte. T'avais l'air tellement sûr de toi, j'y ai cru. Ouais, j'attendais le « Eh oui !» Et non, c'est jamais venu. Et non, et non. Est-ce que c'est un concert caritatif? Je ne sais pas, je vais regarder. Cornemuse. Je peux vous dire c'est enfoiré breton. Non, je peux vous dire que c'est en inauguration du festival Sonic, avec un K. Ah, c'est du rap. Non, c'est pas du rap. D'accord, c'est du rap, authentique Sonic. Non, non. La tribu de Dana. Non, non, c'est pas ça. Les musiciens sont tous quimpérois, ça je peux vous le dire. Okay. Voilà, c'est un indice que je peux vous donner. Ils claquent sur leur cuisse avec Non, c'est un spectacle drôle, accessible, et qui interroge sur la place de la musique. Un concert silencieux. Non. Plutôt l'inverse d'ailleurs. Un concert qui. Bruyant. Fait, bruyant. Un concert bruyant. C'est bruyant. Des orgues. Non, pas des orgues. Moteurs. Non, pas des moteurs. Oh, bah, Mitterrand. Concert de Mitterrand. Concert d'imitation de Mitterrand. C'est pas un concert. Des animaux. Pas des animaux. Ah putain. Non, est-ce que ce sont des vrais instruments ou des trucs qui sont pas trop des instruments? C'est pas un instrument du tout. Ok, quelque chose qui fait du bruit quoi. Exactement. Un moteur. Et ce n'est pas notre gouvernement qui en fait du boucan. Oh oui. Et nous on a mal aux oreilles. Il y a un rapport avec le gouvernement ou pas c'est tout, moi? Ah oui, d'accord. Donc c'est des objets qui font du bruit. C'est pas des galettes. Non. Ah non, c'est pas des galettes. Des bouteilles de cidre. C'est pas de Nolwenn Leroy. Des cerfs-volants. Non. Du beurre. Du non. Beurre. Non. Non. Du beurre. Michel. Non, c'est pas un concert. C'est pas. Non, c'est pas un concert de beurre salé. C'est électrique. Non. C'est mécanique. Oui, un peu. On tape dessus. On appuie dessus. Un concert de pédale. Acoustique. Non. Mais tu t'approches, Justine. C'est quelque chose. On appuie dessus. Ah, des klaxons. Ben oui. Un concert de klaxons. Alors c'est vraiment juste des voitures côte à côte, hein. Voilà. Ah donc là, on était pas loin. on n'était pas loin. Voilà, des voitures qui sont posées. Ils font la Marseillaise, quoi. Très belle. Ah, Mitterrand. Oui, un peu Mitterrand. Il y avait une pub télé. Ah bon? Quand j'étais petit. Oui. Mais non, il y en avait plusieurs, je pense. Ouais. Il y avait une pub télé où il faisait une mélodie et t'avais un chef d'orchestre avec des bagnoles. Même on a le même âge, les gars. On a le même âge, c'est vrai. Bien sûr. 57 ans. Bah là, Jérôme Rouget avait besoin de 9 automobilistes. Donc, il vient de Lille, non? Allez. Rouget de Lille. Je vais appuyer ta. Lille dans. Excuse-moi. Non, mais c'est bien. Parce Lille dans que le sud-ouest. Bien sûr. Bien sûr. C'est un spectacle drôle, accessible et qui interroge sur la place de la musique. De la voiture dans nos vies, de la pollution sonore, détaille Clotilde Campagna. Du kérosène. Pour le découvrir avec les yeux et les oreilles, une date, le 17 mai. Donc là, vous pouvez, si vous êtes avec un père, y aller. C'est demain si vous écoutez le podcast le jour même. Ah, je pourrais pas malheureusement. Ouais, non, je crois que t'es pas dispo toi. J'ai un casting. Ouais, c'est ça. À mardi 17 mai 2022 à 19h sur l'esplanade devant le théâtre de Cornouaille. Ouais, Cornouillac. Clovis Cornouillac. Et peut-être qu'un auditeur peut nous rappeler la pub s'il la retrouve. Ah, bah oui, bah, ça m'intéresse. Je pense. Ça va se retrouver facilement. Ouais, oui. Je pense. C'était pour une voiture, non? Oh, il y a des chances. C'était pas ça? Non, là t'as inventé, par contre. Ouais, j'ai inventé. Ouais, t'as pas inventé. J'aime bien me faire ça, c'est la pub numéro 2 avec Kian. Un Britannique vit une histoire d'amour qu'on pourrait qualifier de surprenante, à votre avis, avec quoi? Avec un objet. C'est une très bonne réponse, mais quel objet? Une pipe. Une table. Non. Oh. Un crack. Une grande roue. Non. Une chaise. Non. C'est quelque chose. C'est avec... un film, c'est pour ça que je dis ça. Mais oui. De quoi? Non, c'est une avec un manège. C'est le film avec Noémie Merlant. Oui, c'est un petit manège. Oh, une grande roue. Oh. Non, c'est une Est-ce roue. Que c'est... Ah. c'est un objet avec lequel il peut baiser? Alors, elle s'en sert. Potentiellement, tous les objets elle sont peut, baisés. Elle peut. La lampe halogène, tu me feras le plaisir de. Bah, tu vas. Je suis sûr que j'y arrive. Elle nous chauffe depuis tout à l'heure. Elle nous chauffe depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'elle nous chauffe. Pas possible. Non, mais regarde. Oh non. Oh non. Calmez-vous. Non, mais il y a quand même des objets plus faciles. Bien sûr. Une enclume. Non. Un couteau. Ça va dans les deux sens. C'est vrai. C'est vrai. Pas un couteau. Pas un couteau. Tu peux être passif aussi. Bien sûr. C'est vrai. Pas un couteau. On sait pas, il est... C'est un gros ou un petit objet? C'est un objet assez imposant. Une maison. Une grande rouge, j'ai dit. Non, alors c'est moins imposant. C'est dans une maison? Oui. C'est quelque chose qu'on une a maison. Chez nous. Qu'on peut, non, qu'on peut une maison. Qu'on peut acheter, mais faut avoir quand même un certain. Un frigo. Un jacuzzi. Non, pas un jacuzzi. Il est amoureux d'un jacuzzi. Un billard. Non, pas un billard. Oh, joli. Un bar. Un petit. Oh! Oh, un petit bar. Un petit bar. Avec des boules. Un sauna. Avec des petits cocktails. Par exemple. Des olives. Des petites saucisses. Donc c'est quelque chose que des gens assez aisés ont chez eux. Une dame en l'occurrence. Non mais. De manière générale. Ah oui, générale. En général, oui, les gens. Ah, des c'est gens une dame. Assez... Oui, c'est une terrasse. Dame. Une britannique. Des pas une terrasse. En or. Ah. Plus des chiottes en or. Pas des chiottes en or. Ni un baby foot. Pas un baby. Et d'ailleurs, interdit à la braille, hein, d'ailleurs, je crois, quand elle fait l'amour avec le baby foot. Oh, petit terme de baby foot que je vous ai donné. Bah, j'ai pas. Un beau window. Pas un beau window. Windows, non, c'est Windows XP. Oh. Allez. Ah, non. C'est typiquement anglais ou pas? Parce qu'on non, pas du tout, pas du tout. Un MacBook Pro. Non. On connaît quelqu'un qui a MacBook ça. Un MacBook Air. Ah, oui. On connaît quelqu'un qui a ça. Je sais pas, peut-être, oui. C'est vraiment dans la maison. Parle moi élément... sur un autre ton, juste. Mais merde, en fait. Je vais pas saouler. Non, c'est un élément de déco d'une maison. Cheminée. Non. Je l'ai dit, Gaga. Ah, tu l'as dit. Oui, un élément de déco, une statue. Non. Un radiateur. Un buste. Pas un buste. Un portrait. Non. Un poil. Non. Un Picasso. C'est quelque chose qui accroche au attends, mur. Attends, t'as dit quoi comme mot? Un buste. Non, pas un buste. Une peinture. Une statue. J'ai entendu autre chose, pardon. Un tapis. Non, un non. Un bus. Non, pas un bus. Un minibus. C'est quelque chose qui s'accroche au mur. Le bus magique. Avec le lézard. Ça s'accroche au mur? Ça s'accroche pas au mur, mais ça s'accroche. Oh, au plafond. Oh, une balançoire. Un Mac. Un lustre. Un lustre. Oh, bah oui, buste, lustre. J'étais amoureuse. Il y en a un juste là, regardez. Eh oui, Amanda est amoureuse d'un lustre. La Britannique originaire de Leeds est en effet objectum sexuel. Bah, elle a pas la lumière à tous les étages. Oh là là. Ni le gaz. Elle à tous les étages. Oui. Allez, oui. Elle a prouté. La Britannique, c'est une prouteuse. Elle est attirée par les objets inanimés. Et donc, elle est actuellement amoureuse d'un lustre. Alors, bon, c'est pas très podcast, mais comme vous pouvez le voir, elle l'embrasse, quoi. Elle est vraiment, elle adore ce lustre. Mais il est très bas. Bah, du coup, elle l'a baissé, je pense. Parce que comme sinon, dans la chambre. Elle l'a baisé, oui. Elle l'a baisé. Pauvre. J'ai femme. Honte, j'ai honte. Alors, faut savoir que c'est pas son premier amant inanimé. Avant, c'était une petite lampe de poche. Alors, non, elle a été amoureuse d'une batterie quand elle avait 14 ans. Batterie, l'instrument de musique? J'imagine, ouais, ouais. Petite ensuite, téléphone. Des années plus tard, elle est tombée amoureuse du drapeau américain et de la statue de la liberté. Alors, ça, je pense que c'est une métaphore qu'ils n'ont pas compris. Je pense qu'elle aimait juste l'Amérique. Mais, ouais. Mais oui, ils pensent qu'elle était, en tout cas, elle était amoureuse de l'objet. Alors, c'est quelqu'un qui a des gens très premier degré autour d'elle. Oh là là, celui, je suis amoureux. Et les gens font putain, elle est amoureuse de son. Non, mais c'était c'est une façon de parler. Ah, trop tard, un article. Il a écrit un article. Je reviens des États-Unis, je suis tombée amoureuse de leur nourriture. Ah, l'amoureuse. Ça a pas recommencé. Alors, aujourd'hui, Amanda entretient ce qu'elle qualifie de relation avec ce lustre. Alors, elle l'a appelé Lumière. Bon, pas très original. Elle aurait pu l'appeler Louis Lumière. Oui, c'est vrai. Mais Lumière, je crois que c'est la, parce que c'est la, le chandelier dans La Belle et la Bête. Je crois que c'est ça. Je retire ce que j'ai dit. Voilà. Oh, remarque chandelier, oui, non, c'est nul. Il est amusant et beau, dit-elle. Amusant, un lustre, je ne sais pas. Je pense pas. Il a 100 ans. Il est symétrique. Waouh, la différence d'âge. Bah non, elle est vieille, hein, je crois, elle un peu. Hein. Quand même, elle n'a pas 100 ans. Ouais, elle n'a pas 100 ans. Il est symétrique. Pas chien, lui. Après, il fait plus jeune quand même. Hein. Sur les photos, il est bien entretenu, quoi. Il est symétrique, et ça, c'est vrai que moi aussi, chez une femme, c'est important pour moi qu'elle soit bien symétrique. Bah, c'est les critères de. Ouais. C'est sur mon Tinder. Sur mon Tinder, j'ai mis symétrique. Je l'ai trouvé sur eBay, et il était en Allemagne. Je suis tout de suite tombé amoureux de son énergie. Il parle pas la même langue, du coup. Mais comme quoi, l'amour. Non mais l'amour n'a pas besoin, tu vois, tu peux te comprendre différemment. Ouais, le langage de l'amour. Exactement. Langage des mains, elle est tout de suite tombée amoureuse de son énergie et de ses ondes positives. Alors elle souhaite aussi par cette relation briser le tabou de l'objet sexualité. D'une manière générale, il y a des tabous qui peuvent peut-être rester tabous. D'une manière générale, je pense qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension dans le monde, mais les gens sont de plus en plus ouverts à la différence. Il y a plus d'acceptation qu'avant, mais il y a certainement encore du travail à faire, a-t-elle déclaré. On va en revenir à la bouteille à sperme. Elle tourne autour de nous depuis le début, cette bouteille à sperme. Mais comment ça s'appelle est-ce qu'il y a un nom scientifique pour les gens qui aiment les objets? Oui, elle dit objectum sexuel. C'est, Non, mais il y a un. Tu vois, comme scatophilie. Ah, je sais pas. Mais alors, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai un petit jeu à vous proposer. Savez-vous ce qu'est une paraphilie? La paraphilie, c'est l'attirance. C'est une attirance aux pratiques sexuelles qui diffère des actes traditionnels considérés normaux, mais voilà, entre grosses guillemets. Je vais vous dire des philies, des paraphilies, donc il faut me dire, à votre avis, quelle pratique sexuelle c'est. Oh, ok, j'adore si je vous dis la narratophilie, par exemple. C'est bah, parler, les gens parlent. Qui. Oui. Non. S'exciter quand quelqu'un te raconte une histoire. Oui, alors c'est ça, mais c'est plus précisément. Quand tu fais l'amour en racontant une histoire. Non, c'est quand tu es excité par quand on te raconte une histoire, mais pas n'importe quelle histoire. Un manga, mais avec une faute de frappe. Non. Narutophilie. Je crois que j'ai en plus aimé le aller un petit peu derrière. Non, c'est on te raconte une histoire de cul. Exactement, c'est être attiré par les histoires un peu dégoûtantes et obscènes. Voilà. Un peu tout le monde, ça. C'est bien raconté. C'est plus ou moins nous, en fait, tout simplement. Bah, les gens qui ont ça, ils écoutent le podcast. Oui, c'est ça. Hey, vous êtes ils tous, ont la queue bien dure. Vous êtes tous des narratophiles pour nous. Savez-vous ce qu'est le tamakeri? Et non, ce n'est pas une petite. Tamakeri. Tamakeri. Pourquoi il n'y a pas filié à la fin? Il n'y a pas filié parce que ça, c'est japonais. Ça nous vient du Japon, donc ça n'a pas été traduit en français. Le temps, la météo. Non, c'est une pratique sexuelle, effectivement, japonaise. Tu te mets du tarama sur le... pratique sexuelle, c'est pas une... Tarama sur le kiki. Ouais, non, pas du tout. Non. T'as dit ouais. Non, parce que t'as c'est... dit ouais. Trop tard. Je répondais à rien. Tu te filmes? Non, pas ça. Tu passes à la télé? Non. C'est manger, aime... c'est un sandwich de nourriture. C'est du kiri. C'est masculin. Tamakeri. C'est entre deux hommes. C'est un homme qui... Non, c'est pas... Alors, ça peut être entre deux hommes. Nul. Non. Moi, j'ai aimé. Non, c'est un truc aimé par les hommes, mais après, ça peut être pratiqué avec un partenaire masculin ou féminin. Mais c'est pratiqué... Enfin, c'est les hommes qui vivent, qui aiment ce truc-là. C'est mettre sa queue dans quelque chose? Non. C'est pas la queue. Dans du kiri? Non. Mettre le doigt? Non, le doigt dans rien. Les fesses? Non. Se mettre dans. Rien, mettre, on se met rien, mais c'est. Je sais, souffler dans le cul de quelqu'un. Comme une petite, par exemple, une petite flûte, une petite trompette. Fou, fou, fou, fou, fou. Comme ça, vous voyez. Mais la pub. Non, comme quoi tu fais avec une bouteille là. La puberté. Fou, fou, fou, fou, fou. Ah oui, continue. C'est pas ça? La puberté, mais dans un trou du cul. Une fuite de pan. Attends, redis, t'as donné un indice que j'ai oublié. Arrête, Thierry. Oh, le bon goût de la saucisse. Donc c'est pas se mettre du jambon, c'est pas de la saucisse, c'était du jambon. Pardon. Non, alors c'est une pratique sexuelle qui ne peut être appréciée que par les hommes. Parce qu'ils ont un pénis. Les hommes ou les personnes pourvues de pénis. Ah pardon. Alors c'est pas bon. Bah, du coup c'est un très gros indice, mais c'est pas pénis. Le trou de balle. Non. La barbe. Non. La glotte. Non. Le nez. Non. Bon, enfin. Bah non, mais vous étiez pas loin avec le pénis. Hein, Les couilles. Les couignettes. J'ai trempé ses couilles dans l'eau chaude avant d'affronter l'équipe. Booba. Excusez-moi, vous êtes scénariste de rap jeu? Absolument. Oui, voilà, j'ai bien reconnu. Scénariste. Oui, le long métrage rap jeu, je viens d'écrire. Donc oui, c'est rapport avec les couilles, mais pas n'importe quoi. Les couilles sur le front. Non. c'est mettre ses couilles dans quelque chose? Non. Sur quelque chose. Montrer ses couilles? Se faire taper les couilles. Aïe aïe aïe aïe. Bonne réponse. Aïe, oui. Le tamakeri, littéralement coup dans les testicules, est un fétichisme sexuel durant lequel une femme ou un homme donne un coup de genou, de poing, agrippe ou fait tourner les testicules. Ah, y a, tourner, ça a été le pire pour moi, je sais pas pourquoi. Alors, sachez que. D'un côté irréversible, quoi. La torsion. Pour moi, c'est un hand spinner avec des couilles. Aïe, aïe. Alors, faut savoir que dans mes recherches, on m'a proposé, tu sais, quand tu vas sur Wikipédia, on te propose des articles en dessous. Ah oui. Je me suis un peu perdu, je ne vous le cache pas. On m'a proposé l'article qui existe de Wikipédia, bondage des testicules et torture du pénis. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise. Quelle ne fut pas ma surprise. Et donc, je vous invite à ne pas le faire, bien sûr. De cliquer sur ce lien, car il y a des images. Ah, est-ce qu'il y a des couilles bleues parce que il y a des trucs horribles. Il y a des vis dans des glands. Il y a ah non, mais je vous le dis. Il y a des photos atroces sur le Wikipédia. Donc on nous bassine avec le porno que genre maintenant et tout. Wikipédia, sous prétexte que c'est de la culture, mais attends, c'est n'importe quoi. Il y a même pas un genre. Faut cliquer pour voir l'image. Non, je te jure. Ah, oui, donc, bon, après, si tu cliques c'est encyclopédique. Sur. Oui, mais après, bon. Il faut savoir. C'est encyclopédique. Quand j'avais en Carta 2000, il n'y avait pas l'article bondage des testicules et torture du pénis. Baguette peut-être dans l'urètre. Ouais. En gros plan. En HD. Savez-vous ce qui est là? Alors, je sais pas si. Ouais, si la créma ou schréma. Non, je pense que c'est créma. Créma. C'est le petit bonbon, ça. Cistophilie. Ah, ça je le sais. Et ce n'est pas se mettre des crémas dans le cul, du coup, bien sûr. Attends, tu veux redire créma comment? La crémastistosphilie. Putain, ça je l'ai su. Et ça, su, dans ça. Au Scrabble, c'est un bon 40 points. Je l'ai tu su. Tu gagnes en un coup, tu gagnes. C'est pas les. Non, c'est pas ça. Crémastistosphilie, putain, je l'ai. Il y a un rapport avec le brûler quelque chose? Pas du tout. Malheureusement. Tu l'as plus là, du coup. non, mais je crois que je l'ai su, mais il était dans mon quiz. Ah, il est un peu dur celui-là parce que le mot n'est pas. Enfin, le mot qu'on. L'activité n'est pas. Faut vraiment être calé en latin ou truc comme ça, quoi. Parce que vraiment, il n'y a pas j'ai le mot. J'ai un pote comme ça qui est calé en latin. Ah, bah, ouais, c'est... Du coup, il s'appelle tout. Comment, Jules César? Il s'appelle. Hop là. Allez, hop. Et bah, c'est parler une langue. Comment tu sais? C'est parler grec pendant l'acte. Non. Tu quand tu joues. Parler latin. Oh, ad vidum. Non, c'est pas ça du tout. Non, est-ce que c'est. Ah, attends. C'était quoi? Fluctuant d'émergiture. Du coup, c'est une préférence sexuelle et pas une pratique sexuelle, là. Ça, c'est une paraphilie, pour le coup. D'accord. C'est vraiment une excitation provoquée par quelque chose. Ah, alors, est-ce que c'est quelque chose de. Comment dire, d'abstrait, enfin dans le genre, c'est pas une pratique, mais t'es excité par l'idée de quelque chose. Non, tu assistes à quelque chose. Tu assistes à quelque chose. Un combat de sumo. Non, de chavane dans Coucou c'est nous quand on est dans les costumes géants. Ah, moi j'ai besoin de ça. Si j'ai pas ça, je bande pas. Quel souvenir. Quel souvenir tu viens d'ouvrir là. Avec Patrice Carmousse. Avec Carmousse comme ça. Oh, oui. Oh, je suis dans un sumo. En fait, tu es devant ma télé. Regardez. Oh, Parabelloum. Quelqu'un qui ouvre un paquet de bonbons, le bruit que ça fait. C'est excitant, non? Okay. Tu es spectateur de quelque chose ou tu es actif? Non, tu es passif. Et tu es passif au micro et les mots sont flow. Bien sûr. Est-ce que c'est regarder quelqu'un faire l'amour avec ton ou ta compagne? Non, c'est pas ça. Malheureusement, je te présente mes excuses d'ailleurs. Que cold. Donc tu assistes à quelque chose qui est pas nécessairement sexuel de base? Non, qui est pas du tout sexuel et qui est un truc un peu de tous les jours. Faire la cuisine? Ranger. Non. Ranger. Tu regardes quelqu'un en train de manger? Non, c'est pas ça. Non, ça c'est la Marie Kondophilie. Ça n'a rien à voir. Non, c'est quelque chose de la vie de tous les jours, tu dis? Ouais. Prendre une douche. Dormir. Quelqu'un qui dort? Non. Quelqu'un qui fait le ménage? Non. Je l'ai dit. Quelqu'un qui lit? Je l'ai pas entendu. Pas quelqu'un qui lit, non, pas du tout. Fatigué. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement à la maison? Non, tu le fais en extérieur. Ah. Quelqu'un qui marche? Quelqu'un qui prend le bus? Non. Okay, mais on le fait tous les jours? Bah oui, plus ou moins, oui, bien sûr. Enfin, je pense, il y a des gens qui ne le font pas tous les jours, mais en vrai. Il y a du caca? Il y a pas de caca, dans la rue quand même. Attends, mais c'est dans la rue? C'est pas. Ça peut être dans la rue, mais c'est dans des endroits précis. Fumer? Pas fumer. À boire un petit café? Un petit cafos? Non, pas du tout. Genre, qu'est-ce que je peux faire dans un bar? Sniffer de la coke? Non. Bah, je vais vous donner la réponse, on en a plein d'autres. Allez, c'est tout simplement être excité lorsqu'un individu donne de l'argent à un autre individu. Lorsqu'il y a une transaction financière devant soi. Ça peut exciter des gens. Bah ouais. D'accord. Ouais. Des gens comme Elon Musk peut-être. Ok. Bam. Ouais, il y a une notion de pouvoir quoi. Bah ouais. Savez-vous ce qu'est alors d'ailleurs, pour revenir sur ça, c'est l'opposé de la kleptophilie. Qui, voler quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui est une excitation sexuelle obtenue quand il y a un cambriolage, un vol ou un cassage. T'imagines le flic qui a ça? Alors il a pris quoi? Oh, tout ça. Oh, je suis plantu. La petite souris a volé tout l'argent. Marianne, elle est ruinée. Elle a plus de vêtements. On voit ça tout, on voit ça gougoute à Marianne. Mais cette personne, oui, qui a cette, cette enfin, ces gens, il y a plusieurs personnes. Ouais. Ouais, ouais, si, ouais. Si par exemple, elle voit quelqu'un en train de mettre une pièce de 2 euros dans un distributeur de Sprite, ça peut, ça peut. C'est pas pareil. L'excitation monte. Je sais pas. Peut-être. Ah, c'est pas pareil. Peut-être. Mais moi, ma question, la personne qui vient récupérer l'argent. Là, c'est un jeu de rôle. Moi, ma question, c'est est-ce que si récupérer les pièces. Moi, ma question, c'est est-ce que si cette personne voit quelqu'un acheter avec une carte bleue. Donc là, ça monte et que ça fait paiement refusé. Est-ce que là, ah, oh non, couille bleue. Ça débande. Ça débande immédiatement. Oh mon Dieu. Savez-vous ce qu'est la dacryphilie? Peut payer en 3 fois. Oh. Dacry. Pleurer. Putain. Non, ça c'est lacry. Non, c'est ça. Dacry. Ah ouais. Ça s'appelle dacryphilie. C'est ça. C'est une forme de paraphilie dans laquelle un individu est sexuellement attiré par les larmes ou les pleurs. Exact, parce que la petite Frankie, on avait du dacryocérum qu'on lui mettait dans les yeux. C'est comme ça que j'ai eu la réponse. T'as toi aussi J'ai du dacryocérum. Oh. Quand j'ai les yeux un petit peu secs. La dendrophilie. La poules. Confiture. Non. On aime les poules. On voit des poules, ça nous rend fou. La dendrophilie. Les couilles dans la confiote. Les couilles dans un pot. Bah attendez, on le refait. Dendro, les couilles dans un pot. Ça valait le coup d'en refaire. Vraiment. Ça c'est une bonne punchline. Attends, mais dendro. On connaît des trucs avec dendro. Oui, dendro. Et bah tout vient de là. Hein. Dendrome. Les pellicules. Non. Ah non, c'est dendruff. Ça a rapport avec les cheveux et d'Alembert. Ou pas? Non, rien pas du tout. Pas du tout. C'est un objet, un truc du corps? Non, truc extérieur. Dendrophilie. C'est vraiment être attiré par quelque chose, quoi. Le fait de monter une tente. Oui. Oui, merci. De monter une tente au camping. Non, je veux dire, c'est être attiré par une activité ou une théorie ou quelque chose. C'est vraiment être attiré par quelque chose de concret, quoi. Un objet. Voilà. Okay. La zoophilie, c'est les animaux, par exemple. Est-ce que c'est un. Comme dit Justine, c'est un objet? Non. C'est un type d'individu? Non, mais on est sur un être vivant. Les arbres. Ouais. Très bonne réponse. Ouais. Elle, à peine quand je l'ai sorti. Est sexuellement attiré ou excité par les arbres. La formicophilie. Le plastique. Ah oui, le formica. Non. La pierre, les pierres. Non. Les tables. Les cailloux. Non, pas les tables. Formicophilie. Oui. Tout petit caillou. Oh. Tout petit caillou. Du minuscule mignon. Du sable. Tout petit. Les francs, ça fait du sable. Oh non, les chaussures. Oh, ils sont dans mes chaussures. Oh non, ça pique. Ça pique, ça fait mal. Les fossiles. Passé sous la chaussette. Oh, passé sous la chaussette. Oh, non. Oh, j'ai mal enlevé. Faut que j'enlève ma chaussette. Les fossiles. Non. Les fossiles dans le sens des fossiles. Non, non, deux mots. Les fossiles. Ah oui, non. Fornico. Formico. Mico. Formico. Ah, les glaces. Mico. Oh, les médicaments. Non. Non. Formicophilie. Pareil, c'est vraiment être attiré par les arbres. Et là, c'est être attiré par quelque les fourmis. Chose. Les insectes. Exactement. Oui. C'est une forme de zoophilie qui implique souvent l'application d'insectes sur les parties génitales, mais également. Oh bah oui, bah quoi. Écoutez, ça. Tu crois qu'il y a des fourmis dans l'urètre ou pas? Ah, le titre. Un gros bourdon sur le gland. On va aller voir sur Wikipédia. Des bourdons sur le cul. Une grosse mouche à merde sur le gland. Des fourmis dans l'urètre. C'est la suite des serpents dans l'avion. Et le 2, c'est des fourmis dans l'urètre. Un scolopendre autour des couilles. Samuel Jackson a dit, c'est hors de question. Un mille pas que long de la table. Bon, laisse ça. Pardon. Les effets désirés peuvent être les chatouilles ou une sensation de piqûre, tout simplement. Oh non, bah stop. Non, bah voilà. Arrêtez. Est-ce que vous rappelez de l'épisode de MacGyver avec les fourmis rouges? Non. Dans l'urètre? Non. Pas dans l'urètre. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, je me souviens pas. Non, il se mettait pas mal de trucs dans l'urètre, mais. Ouais, ça, il était les pas fourmis, je me rappelle pas. Surtout qu'il y avait beaucoup de trucs ingénieux pour arriver jusqu'à se mettre des trucs dans l'urètre. Tu vois, il fabriquait des objets. Vous voyez ce trombone? Vous allez faire une bombe avec. Je vais me le mettre dans l'urètre. D'abord, oh là, mais quel rapport avec la situation? Rien, mais. De toute façon, on est foutu. Donc, il a vu ce stylo? Attends, regardez bien. Regardez, il va faire un truc de dingue avec. Oh, il se met dans le cul. Pardon. Mais suivez-moi, on est obligé de passer par ça pour. Ça m'aide à réfléchir. Ça me fait penser à Mac Gruber. Ah bah oui, bien sûr. Mac Gruber. Bah Mac Gruber, oui, d'ailleurs. Il se met un poireau dans le cul, exactement. Oui, tout à fait. Savez-vous ce qu'est la catoptronophilie? Putain. Waouh. C'est catapulté. Non. Excité par le puits du fou. Cataptronophilie. Ouais. Cataptronophilie. Les grottes? Pas les grottes. Les stalactites. Non. Les caves. Non, mais je sais pas pourquoi vous êtes parti sur arrêtez, le arrêtez. Champ lexical de la caverne. Les dépendances dans le jardin. Non. Les transats. Non, c'est un objet, je vous le dis, c'est un objet, mais bien un précis. Un rapport avec le temps, une montre. Non. Tu peux redire ton. La catoptronophilie, j'arriverai jamais à le dire. Cato. Ouais. Cato. La religion. Non. Catoptrono. Non, ni dans Gris, pas le copain de Green Hornet. Non, catoptronophilie. C'est athéo. K-A-T-O. K-A-A. Ah, d'un coup. Allez, tu l'as. Non, alors attends, Cato, Tronophilie. Les voitures. Non, non, Cato, mais si, attends, Cato. Les pédalos. Non, non, non. Cato, c'est des objets qu'on a dans la maison. Ce sont les miroirs. Ah bah, il nous a dit la réponse. Il nous a dit la réponse. Ah bah oui, mais faut avancer. Ah, oui, c'est des miroirs. C'est pas un jeu, si c'est ah, un c'est... Jeu. Non, mais... T'as tout gâché. Catotronophilie, c'est les miroirs. Bah, faut non, avancer. Non, t'es oh, dur, allez, t'es arrête. Dur. Il y a les auditeurs, yo. Savez-vous ce qu'est l'omorachie? Et on va finir avec ça. De quoi le l'omorachie. Donc pareil, c'est japonais. C'est une pratique, du coup, pratique. Là, c'est ça. Omorachie. Ouais. C'est être excité par quelque chose. Par soi-même. C'est un fétichisme sexuel. Japonais, c'est hyper dur. On s'en connaît pas l'étymologie. Les genoux. Alors que quand c'est latin, toi, c'est. C'est fluide. Ça sort direct. Omorachie. Tu rigoles, mais t'es pas loin de la bonne réponse. T'as dit quoi? T'as dit quoi comme phrase? T'as dit c'est fluide. J'ai dit c'est fluide. C'est les fluides corporels. On y est presque. Le musper. La pisse. Alors. La pisse dans, la pisse, les, dans les oreilles. Une certaine. être complètement baigné dans la pisse. Ah ouais, un bain de pisse. À la manière d'une petite mouillette. Boire de la pisse. Non, pas boire de la pisse. C'est la pisse ou pas? C'est la pisse. Ah bah c'est la pisse. Ah le pipi. Voir quelqu'un pisser. Uriner non. Dessus. Voir quelqu'un se faire pisser. Pas voir quelqu'un pisser. Entendre quelqu'un pisser. Pas entendre, pas faire pipi. Boire du pipi. Pas boire du pipi. Et parler de pisse. Pas parler de pisse. Sentir la pisse. Pas sentir la pisse. La couleur de la pisse. On tourne autour, hein, pas la couleur de la faire pisse. Faire pipi dans les toucher chaussettes. Toucher la pisse. Non. Ça, juste, il y a quelqu'un qui pisse et avec le jet, avec ton doigt, tu fais. Ah ouais. Comme un arroseur là. Comme ça. C'est pas ça. Ça met du pipi dans toutes les directions. Comme c'est ça. Pas ça. Non, non, c'est un truc très précis. Mais on rapporte avec la pisse. Et c'est ah la pisse de quelqu'un d'autre pas forcément. Pas d'accord. Forcément. C'est la pisse de plein de gens. Ça peut être la tienne. Congeler des la autres. Pisse. Pas congeler la pisse. Non, ça te trouve avec le sperme dans une œuvre d'art. Non, non. C'est dur. Non, non, non, vous êtes. Donc, c'est faire ça quelque chose. Vous, ça va vous paraître évident. C'est faire quelque chose avec la pisse, c'est ça? Oui. La mettre dans un ballon et. Non. Bah, c'est donc. Pas vraiment faire quelque et chose avec la pisse, justement. Regarder plutôt... la pisse. Non, pas regarder la pisse. Se pisser dessus. Pas se pisser dessus. Éternuer dans la pisse. Voir bon, quelqu'un se pisser dessus. Excusez-moi, Justine. Éternuer dans la pisse. Mais c'est et, parce et que là, ce titre. J'ai des allergies. Je n'arrête pas d'éternuer, de me gratter les yeux. Et du coup, c'est le premier mot qui m'est. Non, non, non, non. C'est pas si fou, hein. Nettoyer, enfin, c'est nettoyer. Fou. Pardon, excusez-moi. C'est complètement fou. Oui. Mais c'est pas. Vous allez plus loin que la réponse. Ah, putain. Mais par contre, tu as dit tout à l'heure se pisser dessus. Oui. Ça peut arriver malheureusement quand tu fais cette pratique. Rire. Ah, se retenir de pisser. Oh, se putain. Retenir de pisser, tout simplement. Une excitation sexuelle à la vue d'une vessie pleine ou qui ressent une attraction particulière. Pardon, la vue d'une vessie pleine. Tu ne vois pas les vessies, à moins d'avoir une radio. Enfin, une radio, oh, elle est pleine. Pour de tels fétichistes, l'orgasme survient lorsque le partenaire gêné perd le contrôle de la vessie et commence à uriner. Donc, ah. Là, c'est quand ça se lâche après s'être longtemps retenu. Ouais, je peux comprendre. Il y a une expression que je trouve très jolie pour parler de cette activité en français et qui peut être le titre de cet épisode. C'est les Occidentaux appellent ça le désespoir de vessie. Oh, Léonard c'est de vessie. Botter. Exactement. Ou le slip trempé. Bon, un peu moins. voilà. Chers amis. Fort Boyard a été attaqué en justice récemment. À votre avis, pourquoi? Maltraitance animale? Non. Parce qu'il mettait des nains? Non. J'y ai pensé. Non. C'est ni en rapport avec les tigres, ni en rapport avec les nains. Père Fouras n'a plus l'âge de travailler. Ils ont détourné les sous là pour les associations. Non, non, non, non, non. Horrible, mais non, c'est pas ça. Parce que du climat, c'est pas écologique. Pas écolo. Est-ce que les gens considèrent que Fort Boyard c'est le patrimoine français et qu'ils le dégradent en faisant des jeux dedans? Non, non, non, c'est pas ça. Patrimoine d'enfermer des gens pour qu'ils crèvent sur une. Ah oui. Petite île. Et la Bastille. Et la Bastille, c'est la quoi? Bastille seule. Vous êtes le pays où? Pardon. Calmez-vous. Non, non, là vous cherchez des. C'est beaucoup plus précis que ça. C'est quelqu'un a attaqué. Ils l'ont même attaqué au prud'homme, pour être honnête. Est-ce que c'est un participant? C'est un salarié. A... Ah non, c'est un participant. Ah non, c'est un salarié. Ah, est-ce que c'est parce que ça fait moi plusieurs personnes. Mais d'ailleurs, quelqu'un l'avait dit, je crois, dans le podcast. C'est Audrey Pirot ou Anne-Sophie Girard. Qui dit Fort Boyard, il te demande. Alors, est-ce que vous avez des phobies et tout? Et donc, les gens donnent leurs phobies et après, ils leur font participer précisément au truc qui correspond aux phobies. Ça fait deux personnes que j'entends dire ça, donc c'est sans doute vrai. Mais sinon, tu donnes des fausses phobies de trucs que t'as pas peur. Moi, je déteste le jacuzzi. Non, c'est pas ça. C'est un salarié. Bah, il a pas été payé. Non, c'est les heures sup. Non. Ils sont mal payés. Il a été oublié sur le fort. C'est Willy Revelli. Allez, fin de journée, le mec fait. Je suis Willy Revelli. Toute la saison morte. Ouais, Willy Revelli. Vous m'avez laissé dans la cuisine. Ça n'a pas de rapport avec l'argent. Quelque part, si. C'est quelqu'un. Écoutez, bon, je vous donne un petit indice. Miroir. Non, mais. Le code du travail. On lui a fait faire des trucs qu'il ne voulait pas. Il n'a pas été réengagé. Voilà, quelqu'un qui n'a pas été réengagé. C'est le Perforas. Pas le Perforas. Passepartout. Pas Passepartout. Le mec balèze, le gros. Le truc du jeu, le maître du jeu. La boule. La boule. Non, lui, il est décédé. Ah, donc, effectivement, c'est justifié qu'il le. Ça va être un peu glauque. Étrange qu'il voilà, est mort. Il est mort. Olivier Bine. Oh non, j'ai le cafard. Ça y est. Le cafard. Ça allait mieux depuis tout à l'heure, là, ça va mieux. La boule est morte. Oh merde, la boule est morte. Putain, je savais pas. On a perdu la boule. On a perdu la boule. Bonsoir. C'est mon personnage préféré. Oh, la bonne boule. J'ai envie de me tuer. La bonne boulasse, il est parti. La grosse boulasse. Paradis des boules. Poursuivi par les méchants. Paradis des boules, des petites boules. Des grosses boules, des petites boules. C'est horrible. Toutes sortes de boules. Toutes sortes de boules. Une boule de toutes les tailles. Une boule de flipper. Une boule espagnole. Qui roule, qui roule. Une petite boule allemande. C'est horrible. Non, c'est pas la boule. Ah putain. Mais c'est un gars qu'on connaît. C'est un. Oui, oui, qui est très connu hein, d'ailleurs. Personnage c'est... connu. Le personnage est pas si connu, mais la personne qui l'interprète est très connue. C'est Kevin Razi. C'est pas Kevin Razi. Méga gaffe. Ah, avait... Ce n'est pas Vincent Lagaffe. Mais c'est Olivier mais Mine, je l'ai dit. Ce n'est pas Olivier c'est Mine. Fille. Je l'ai dit, mais ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que c'est un des nains? Non. Ah oui, c'est pas. C'est une meuf ou c'est un mec? Non, pas c'est un mec. Enfin, ils sont c'est un mec qui est souvent dans l'actu. Baptiste Lorbert. Non. Un mec qui est souvent dans l'actu. Ouais, ouais, ouais. Bah là, depuis quelques années, il y est souvent. Il s'est exprimé sur plein de sujets et tout. Macron. Non, Macron n'est pas dans Fort Boyard. Macron, il a dit bah attendez quoi. Donc, je suis réélu comme président et Fort Boyard veut pas de moi. Bah, c'était le, non, c'était le premier présentateur. Hein? Lafont. Non, c'était pas Fabrice Lafont. Non, non, c'est un qui était là il y a pas longtemps, mais peut-être vous l'avez pas en fait, juste vous avez pas le casting. Non, de... non mais attends, voilà, je pense que c'est ça l'histoire. Je regarde pas. Non, mais c'est la personnalité en question s'exprime sur plusieurs sujets. Ah oui, on l'a entendu sur les gilets jaunes, sur le Bigard, vaccin. Hein. Non, Lalanne, c'est Francis Lalanne, bien sûr. C'est Francis Lalanne. Lalanne a présenté Fabrice. Non, il a pas présenté. C'est un des personnages. C'est un des personnages, il était Narcisse Lalanne. Tout simplement. Narcisse Lalanne. Ben oui. Après Mister Boo en 2021 qui avait été aussi Mister Boo c'était un monsieur Mister muscle Boo. Mister Boo B2O Mister Boo c'est alors la pas B2O attention rien à voir non, c'est vraiment oui. Boo il y a pas bas dedans c'est la boule et c'était monsieur muscle et lui il avait eu une affaire malheureusement de comment dire de revente de stéroïdes et du coup il avait et du coup j'adore que le crime soit totalement lié genre s'il accusait ça tu fais oui bah oui c'est vrai non là c'était Francis Lalanne qui a gagné son procès au prud'homme contre la société de production Adventure gagné. Line Production, donc qui font Fort Boyard, Koh-Lanta, etc. C'est dis... Alexis Laroche-Joubert. Alexis Laroche-Joubert, exactement. Que l'on embrasse. Ça va venir dans le podcast d'ailleurs. Exactement. Pour nous parler de Patchy et de Georges Alain. non, c'était un professeur de chant inspiré de l'univers d'Harry Potter. Il a été évincé du jeu et condamné à LP à verser au total près de 9 500 €. Oh. Le chanteur de 63 ans poursuivait LP devant les prud'hommes parce qu'il avait il contestait sa révocation qui pour lui était motivée par deux arguments. Il n'avait pas été repris en raison de son âge et également à cause de ses prises de position que ce soit envers les gilets jaunes et le Covid, voilà, et le vaccin, etc. Il a gagné parce qu'en fait la société Adventure Line ils ont dit mais non c'est juste que vous êtes un énorme ringard. C'est ça la raison. Excusez-moi, pardon. L'avocat fait. Alors, aucun rapport. L'avocat dit excusez-moi, vous êtes Francis Lalanne. Oui. Dois-je seulement dire autre chose? Argument, on parle de Francis Lalanne. Hein. Le nom du personnage c'est Narcisse, mais je sais pas, c'est clair, la personne c'est Francis Lalanne. Le juge a fait ah bah ça change tout. Il a gagné. Non, mais parce que la société utilise souvent ce qu'on appelle des CDD d'usage. Voilà. Et c'est cette pratique qui est un petit peu critiqué au sein des sociétés de production. Start-up, ça. Bah, c'est exactement. Alors, il faut savoir quand même que, détail cocasse, le Conseil des Prud'hommes a ordonné à la société de production de restituer le chapeau de l'artiste, ainsi que son énorme pipe. Parce que le personnage avait une grosse pipe et un chapeau. Malheureusement, il lui a ramené un chapeau qui n'était pas le bon. Aïe, aïe. Et ils vont devoir restituer le chapeau sous 15 jours, sous peine d'une astreinte quotidienne de 50 €. Et alors j'ai cette photo bah, qui me régale de Narcisse Lalanne devant le palais de justice. Il avec, est venu déguisé avec en personnage quoi. Avec une immense pipe et un chapeau. Alors est-ce que c'est pas un montage? Possiblement. J'ai envie d'y croire. Le chapeau, non, non, non. Le chapeau Francis c'est Lalanne, un Lalanne a la sortie de l'audience au cours de laquelle il avait récupéré la pipe de son personnage. Crédit photo. Comment il a pu gagner? Bah parce que c'est les contrats qui étaient un peu bof quoi. Ah, c'est ça, jouer sur les méthodes de travail en fait. C'est les méthodes de travail plus qui sont critiquées que le fait que ce soit Francis Lalanne. Chers amis, j'ai un autre petit jeu à vous proposer. Ah ouais, j'adore les jeux, j'adore les jeux. C'est un peu un jeu qu'on avait déjà fait, qui peut être un immense fiasco, mais en même temps, bon, voilà. Qui... En même temps, on a chié déjà le jeu d'Adrien. Ouais, tout ouais on a bien chié. Ouais, bien. Chié, c'est pas voilà. Bon jeu, quoi. Le jeu de tu sais, on parlait en même temps. Ah oui, qu'on fait à la fin de l'émission. Ouais, que les gens. Non, dis pas, c'était chambé. Les gens peuvent l'écouter à la fin de l'émission, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, ouais, restez là. On avait fait, je sais pas si tu te souviens, Adrien, pour Noël, des chansons paillardes sur des airs de chansons tristes. Et il fallait découvrir les autres. J'ai un peu changé le truc, ça s'appelle Mashup Camping. Je vais vous chanter des chansons paillardes sur des airs de chansons connues. Et la réponse, un peu comme les films qui baisent ensemble, Adrien, c'est une sorte de mash-up des deux chansons. J'adore, au-delà de toute mesure. Sauf que, petit twist, parfois, comme la dernière fois, ce sont des chansons que j'ai inventées, qui n'existent pas, tout simplement, que j'ai moi-même écrites. Donc voilà, parfois La plupart seront. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je vous dis. C'est merguez, ta-ra-ta-ta, merguez party. C'est la mer. La merguez party. Oui. C'est un jeu de mots entre la merguez party et la mère de Charles. La mère de Charles Trenet. Gaël, bah tu pars, t'es en train de partir. Pourquoi tu te Je croyais que c'était les musclés, moi j'allais dire les musclés. Ah non, c'est le titre. C'est le titre de la chanson, c'est pas l'interprète. Voilà. Le jeu de mots est sur le titre de la chanson. Les deux titres. Ok. Oui. Alors, la mère de Charles Trenet. Vous êtes prêts? Merguez Party. Vous allez voir, une fois qu'on est dedans, c'est assez évident. Très bien, vas-y. Non, mais vous allez voir. On va laisser jouer 2-3 tours. C'était aussi bien expliqué que quand j'ai expliqué le jeu tout à l'heure. C'est toi qui comprends rien, Gaël. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu fatigué. Nébilos. Oh, t'es fatigué. 5h du matin. Je suis fatigué. Il fait du vélo aussi. Mais t'es fatigué. C'est vrai que j'ai vu ta story que tu fais du vélo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui branle ce con? Il est censé être au podcast. En fait, je me suis dit, ça se trouve, il va à la gare en vélo. Je suis allé à la gare en vélo. À la gare en vélo. À 6h40. Et ton vélo, tu l'as laissé là-bas ou tu l'as pris dans le train? 6 km. J'ai laissé là-bas. On va te le voler. Oui. On va voler le vélo. Tout le monde me dit ça. J'ai reçu un message de Baptiste Lorbert, il me dit on va te le voler. Mais après, nous, on est le réflexe de Parisien aussi. Ouais, mais bien sûr. Vous voyez le mal partout. Après, Baptiste Lorbert, il vit à la campagne, je crois. Bah, oui. On commence avec la première chanson ? Non. Ouais. Dites la réponse. Ouais. C'est Alléluia. Oui, là, oui, du coup, mais bon. Eh ben pardon, j'avais trouvé des. À la récré, tout le monde venait vers lui. Allez, René, montre-nous ton zizi. Même les profs étaient jaloux de son appendice. Je comprends pas ce qu'on retrouve. Et ils ont vu sous son pénis le bel héritage d'un père à son fils. Et tous dans la cour criaient les grosses couilles qu'il a. Les couilles qu'il a. Les couilles alléluia. Les couilles qu'il a. Alléluia. Les grosses couilles dans son froc. C'est une chanson que t'as inventée. C'est une chanson que j'ai inventée. Alors, non, mais ça n'a pas de sens, y a pas de règles. C'est juste histoire de chanter une chanson paillarde. Je ne peux pas. C'est trop dur quand c'est. Parce c'est que... comme la chanson que j'ai fait sur Adrien Méniel. C'est pareil. C'est trop dur, mais une chanson que t'as inventée parce qu'on doit inventer le titre aussi. Mais non, ça du coup, c'est juste. Vous avez juste à me dire, mais ça tu l'as inventé, c'est tout. Ah mais, bien sûr. Ah bah voilà. Mais après, elle a quand même un titre qui est Allez couille qu'il a. Allez couille. Ah, j'allais dire Allez couille. Ouais, mais c'est ça. Allez couille qu'il a. Ok, d'accord. Ok. Je savais pas, je pensais que c'était que des mots valises. Non, pas forcément. Non, vous avez pas à trouver. Après, si, d'ailleurs, en vrai, si vous voulez, vous pouvez inventer le titre de la chanson. Bah oui, aucun bien problème. Sûr. Bah, y a c'est aucun plus, problème. C'est ça qui est... Aucun problème. Goldman ? Attention. On dirait, hein. Ok. Un matin. Attention. Encore un matin. Ouais, encore attention. Un matin. Un dimanche matin. Avec ma putain. Encore un dimanche matin avec ma putain. Sur ma mobilette. Bonne réponse. Je lui ai mis les mains entre les deux seins. Direction Kékette. Tu les verras plus. Les poils de mon cul. J'en ai fait des brosses. 3 francs le kilo. C'est du bon boulot. Pour nourrir les gosses. Un dimanche matin. Ouais, voilà, très bonne réponse. Encore un dimanche matin de Jean-Jacques Goldman. Avec ma putain. Avec, alors oui, c'est ça. Encore un dimanche matin. Encore avec un dimanche matin avec ma putain, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ok, donc c'est la fusion des deux. Ah, voilà. Bah, c'est ça. Mais alors, je connaissais pas. On est sur le chemin de la compréhension. Encore 2-3 réponses. J'avoue que ça reste flou pour moi. Ça reste. Ouais. Il y a pas mille chansons. Ça s'éclaircit un petit peu. Deux débiles. Prêt. Tellement private. Essayez de garder un peu ah les oui, chansons je connais. Pour avoir le. Florent Pagny, ça. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux en fait. Ah non, c'est non, Bruel. C'est venez donc, messieurs, dames, ouais. Regardez sous mes couilles. Alors regarde, ouais. Alors regarde mes couilles. Ça ne va vous manger, donc n'ayez pas la trouille. Alors Brakmar. Y'a plein de petites bébêtes, y'a de quoi ouvrir un zoo. Alors regarde dans mon slip. qui se balance sur mes poils, ça fait comme un yo-yo. Justine a la bonne réponse. Alors regarde mes couilles. Les filles du village n'osent pas y mettre la main. Elles disent que je suis pervers, elles disent que je suis malsain. Il chante tellement bien Bruel, plus que les autres hein. Même le médecin du coin n'en a pas vu comme ça. Il on pourrait dresser dessus une table de trois. Alors regarde, regarde mes couilles. Boule de boule, l'une à côté de l'autre. Tu verras, j'en possède au nombre de deux. Magnifique. Alors regarde mes couilles. Alors regarde mes couilles. Et ben un point, j'ai gagné ce jeu. Alors je ne comprends pas les règles. C'est pas mal. Bien joué, bien joué. Est-ce que vous j'ai compris. Est-ce que vous êtes prêt pour le prochain? Oui. Oui. Vous êtes prêt? Tranquille, t'es prêt? L'avion, l'avion, l'avion. L'avion, ça fait lever les yeux. Ça fait lever les yeux. Comme un avion qui fait lever la queue. La femme. Ça fait lever la queue. Oui. Oui. Joli. Comme je ne pas cette chanson. Comme un avion, avion, avion. Vous l'avez mis, mais c'est ça. Tu la connaissais pas? C'est qui? C'est Charlie Couture. Comme un avion qui fait lever la queue. C'est ça. Non, celle-là, comme un avion. Celle-là, je la connais. La queue de Francky. J'étais un peu coupé, du coup. On n'a pas eu tout la suite. Non, non c'est mais... pas grave. Tu sais, écoute, hey, franchement, il y en a plein d'autres. Je suis tellement content d'avoir eu un point. Bah oui, Gaga. Ok. Au Macum Brakmar. Il était un jeune garçon. C'est Balavoine. Qu'on appelait le petit Léon. Qui n'avait jamais vu le con. J'ai pu vivre ou survivre. Ah, il était une jeune fille qu'on appelait Jolie Myrtille qui n'avait pas touché la quille. Il faut toucher la quille. Elle voulait tu voir ses grosses couilles. Ses grosses couilles. Il faut vivre. Oui, c'est le c'est retour des couilles. C'est une sorte de running gag. Et j'aime vraiment le mot couille. Heureux ou malheureux avec des couilles. J'ai juste mis vivre, couille, survivre. Parce qu'il y a ou de notre survie. Vivre, couille, survivre. On s'en va. Là, c'est trop. Là, c'est tiré par c'est les... méta, ah. C'est méta. Voilà. Méta couille. Je comprends. Trop méta couille. Trop méta. Stromae, méta couille. Écoutez, j'ai des questions pour vous. Les auditeurs ont des questions à vous poser. Une question pour tout le monde. Est-ce que vous êtes romantique? Chanson un peu une question un peu personnelle. Et qu'est-ce que vous pensez des gestes romantiques? C'est ça qu'il y a des gens qui aiment pas ça, enfin, qui ont un truc genre oh non, c'est un peu de la mise en scène et tout. Est-ce que vous êtes sensible au romantisme? Non. Toi. Non mais j'allais dire exactement ce que t'as dit. C'est que c'est de la mise en scène. Ça peut être une petite affection aussi, un truc un petit peu. Non mais bah, après ça dépend ce qu'on appelle romantique. Mais... C'est ça, ça dépend. On parle du spectacle de Franck Dubosc, par exemple. Ça, c'est romantique. C'est romantique. Non, mais moi, je trouve que... Ouais, non. En fait, quand, ce que j'imagine dans les trucs romantiques, c'est genre, ah, il m'a fait une déclaration, machin, sur une barque, nanananananan. Ouais. Je trouve que c'est plus... en fait, là, il y a plus une part de mise en scène, justement. Qui, moi, je suis plus sensible à... quelque chose de plus personnel. Spontané. Non, mais personnel, quoi. Parce que là, c'est genre, oui, bon, bah, t'as fait un cliché de truc romantique, mais du coup, il n'y a rien de. D'accord, oui, et... je vois. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et il y a. Puis, je sais pas, c'est plus de l'organisation que de la du témoignage d'affection, au final. Et ça, on est nul en plus. Je trouve que. Puis moi, je suis plus un marathonien de l'amour. Mais attends, ça, c'est ton album d'Abdel Malik, par contre. Ouais, marathonien de l'amour. Je préfère 1000 petits gestes d'affection que, qu'un gros truc grandiloquent qu'on raconte après, je m'en branle. Mais après, chacun son truc. Bon, chacun voit midi à sa porte, je crois, après, d'ailleurs. C'est des petits gestes romantiques, des petits gestes d'attention, si on peut être romantique de cette manière-là. Comme par exemple, Gaël, un petit geste romantique que t'as pu faire comme ça. Bah, les doigts, comme ça, c'est romantique. Ben, écarter les fesses et faire tout. Ah, bah oui. Ça, c'est romantique. Ça, d'accord. Oui, ça, c'est du vrai romantique. Ça, parce que ça, c'est de l'organisation. Ça, c'est pas comme ça. Et puis, c'est risqué. C'est prendre des risques. Voilà, il faut que ce soit bien calé. Que l'orga soit nickel. Parce que sinon, ça peut très mal finir. Oui, c'est ça, ça se fait pas au déboté. Parce que là, il y avait un accident terrible. Non, mais je suis comme Adrien, c'est des petits gestes, c'est une attention, c'est une espèce de romantisme permanent. Ouais. Bah c'est, oui, De juste d'être attentif et d'être gentil et d'être voilà, là pour la personne que tu aimes. Tout à fait. Justine ? Bah non, mais j'ai du mal parce qu'après ce qu'il vient de dire, j'ai du mal. Parce qu'elle allait dire ça justement. Moi j'aime qu'on souffle dans le trou de balle. J'adore souffler dans un trou du cul, moi personnellement. Non, toi Justine, les trucs romantiques. Oh, mais non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Il faut que ce soit un romantisme surprenant. C'est quoi le truc le plus romantique qu'on t'ait fait par exemple ? On m'a fait tout. La bamba, il a joué la bamba. Après, il y a d'autres chansons, c'est ça. C'est ça, ouais. La bamba. 10 heures dans mon cul. 10 heures de la bamba. Attends, 10 heures la plateforme. Non, 10 heures la mot Spotify. La plateforme. Ah, pardon. Je croyais que c'était une vidéo YouTube de 10 heures. Non, c'est long. Non, c'est ce que je disais, ça devient répétitif. Non, mais je pense que ça peut très vite mettre mal à l'aise. Non, pas. Ouais, bah, du coup, ouais, tout a une couleur là maintenant. Mais je pense que ça marche bien avec la musique de Titanic aussi. Ah! Voilà. C'est irlandais en fait. Oui, c'est ça. C'est celte. Je sais pas si c'est considéré comme romantique, mais. Pour moi, oui. C'était pour mes 9 ans de couple à l'époque. Moi, je sais ce qu'il a fait. Ah bon? Oui, une playlist. Oui, c'est ça. Oui. En gros, j'avais. Non, mais attendez. Mais alors, c'était pas à moi. Hein. C'était. Non, alors, pour le coup, ça va totalement à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas du tout une idée originale, c'est un truc que j'avais vu. Ouais. Et en gros, j'avais fait une playlist, j'avais envoyé une playlist à ma meuf. Parce qu'en gros, j'avais prévu un voyage à Londres pour nos 9 ans. Et du coup, je lui avais envoyé une playlist. Et en fait, la playlist, si tu lisais tous les titres à la suite, ça faisait une phrase. Et okay. En gros, ça disait en anglais, du coup, hey chérie, joyeux 9 ans. Hey, si on partait à Londres tous les deux, non. Et ça disait ça, en fait. Tout très tout. Joli. Faites-le. Mais après, c'est pas mon idée. Hein. J'avais vu ça, j'avais fait pas mal ça. Et voilà. D'ailleurs, même les chansons que j'ai fait, Payard, là, si vous faites ça, ça donne un message caché aussi. C'est l'énigme d'un bon moment. Ça vient de me revenir. Ah, j'avais fait une playlist. Bon, allez, copieur. Copieur menteur. Non, j'avais fait une chanson. J'avais fait une chanson pour mon amoureux. C'était pour son anniversaire, je crois. Ou c'était pour nos 1 an, je sais plus. Ouais. Non, c'était pour son anniv. Et on l'a écouté en début, c'est Adrien Méniel, le basketteur. Oui, c'était pour moi. Je suis sympa, mais je suis un peu ronchon. Non, c'était une chanson d'amour. Ah, oh, trop mignon. Avec des paroles et tout. J'ai pris un petit sample d'une vieille chanson de Lou Reed. Et au début, Ouais. Laurent Gérard. Et je lui parle au début, je fais Canel, ma petite chérie, avec ma voix un peu suave. Et puis après, ça, voilà, j'ai fait une chanson. Trop mignon. Et ça, voilà, c'est, je pense, un des trucs les plus. Ah, est-ce que c'est romantique? C'est très romantique. Oui, bien sûr, c'est trop bien. Et ben voilà. Romantique. Et toi, Juju? Mais je n'ai toujours rien. Pas, ben non. J'ai éternué dans du pipi. Alors, question. Mais est-ce que c'est pas plus les garçons qui font des. Oh, c'est les deux. Bah, on a, j'ai l'impression qu'on attend plus des hommes de faire des trucs romantiques, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. C'est et peut-être qu'il faudrait inverser cette tendance. Bah ouais. Mais bien sûr. Que les filles s'y mettent. Je vais chanter moi que aussi. Que tu vas lui faire une chanson. Exactement. Tout de suite d'ailleurs. Allez hop. Allez. Mais après, il y a aussi un truc où parfois, il y a des trucs où on dit ah, c'est romantique et en fait, c'est juste horrible. Je me souviens qu'il y avait. Non mais. Je me souviens. À tous les coups. C'est vrai, ouais. Il y avait un truc qui avait pas mal tourné où c'était genre un gars qui s'était fait. Enfin, en gros, une meuf voulait pas de lui. Mmh. Et lui, il était genre fou amoureux d'elle. Et du coup, le mec, il avait installé un piano devant sa fac. Et il jouait du piano. Debout. Pendant des heures, en chantant Machine, je t'aime. Ça, c'est du harcèlement. C'est ouais, du tout romantisme. Disait, c'est tellement romantique. Un bah non, c'est un harceleur. Mais ça, c'est les trois quarts des films maintenant. Enfin, il y a plein de films qui, à l'époque, étaient des trucs un peu romantiques. Et maintenant, quand tu les mets, tu fais oh là là, horrible. Oh, il est allé devant chez elle. Et puis, il y a des feux d'artifice. Oui, mais elle lui a dit non. Donc, en fait, laisse-la tranquille. Même l'aéroport, à chaque fois, je fais mais putain, vous lui faites rater un vol pour un voyage très cher. On peut être romantique aussi avec des amis sans vouloir les pécho, tu vois. Il peut y avoir. Exactement, des gestes d'attention, ça, etc. Mais qui restent dans l'idée du romantisme. C'est vrai, je suis d'accord. Adrien, maintenant, il est très bon là-dedans. Il fait des chouettes cadeaux, malins et tout. Il y a un truc un peu. Adrien, un peu coquin. Tu es romantique. Non. C'est mon langage de l'amour, les cadeaux. Voilà. Ça dépend comment tu définis le romantisme. C'est au courant, littéralement. Vous allez le dire combien de fois, littéralement. Mais il y a un truc qui met mal à l'aise, je viens d'y repenser, c'est les demandes en mariage qui fail. Ça me fait penser, tu vois, au truc du piano devant la fac. Ah ouais. Ça, c'est, et celle de Hanouna, un chroniqueur d'Hanouna, où vraiment c'était une demande bah, de oh, forcée, qui était épouvantable. Ouais, rappelons que non, tout le monde peut le battre. Il n'y avait pas battre, eu un fail, mais la meuf, elle était pas, elle était, elle sentait ouais, un oui, petit peu obligée quand elle même. Était middle. Ouais, elle était sentait middle, que ça, elle était, c'était pas du tout son plan quoi, de l'épouser. Elle était plus genre, oh là non, moi j'étais parti pour une petite pizza. Mais elle avait pas dit un truc horrible, genre oui, pourquoi pas, ou un truc dans, pas pourquoi pas, mais un truc vraiment genre, si tu y tiens, je veux bien, elle avait dit. Je crois qu'elle avait dit, oui, je veux bien. Je crois qu'elle avait dit ça, c'était horrible. Ça peut te faire plaisir. Ma horrible. Foi. Elle a dit juste ma foi. Elle ne l'a, je pense qu'elle ne l'a jamais épousé. En antenne, elle a fait. Mais par contre, elle l'a battu. Elle l'a battu. Elle l'a battu à plate couture. Tout le monde, tout peut le faire. Non, parce que c'est la théorie de Ramzi Bedia. Tout le monde peut combattre à main nue Gilles Verdez. Tout le monde peut le battre. Personne ne peut perdre un combat même, à main nue. Même quoi. Moi. Mais bien oui, sûr. Tout le monde. Facilement. Tu rétames. Tout le monde peut battre Gilles Verdez. Petit coup de pied. Ah, mais même pas à peine. Non, un atémi comme ça sur le front. Paf. Ah oui, mais n'importe quoi. Le tranchant de la main sur le front. Paf. Pichenette. Ouais, hop là. Tu lui tires les cheveux un petit coup. Hop là, la tête qui bascule en arrière. Il est au sol. Adrien, j'ai adoré ta participation à l'émission de Mouloud Achour. Ah bah sympa. Pas sympa pour toi du coup, parce que t'étais dedans. Non mais en même temps j'ai moins parlé de moi. J'ai dit des choses vrai, un peu moins intéressantes. C'est vrai. Mais peut-être on peut le dire d'ailleurs, c'est parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé du tout ce truc. On a fait l'émission Verben Underground de Mouloud Achour. Okay. Et c'était très cool. Elle est en podcast, hein, si vous cherchez sur votre plateforme de podcast. Verven, comme la boisson. Underground, comme le milieu dans lequel j'évolue. vous pouvez retrouver notre interview de Florent et moi par Mouloud Achour, qui est un très bon intervieweur. Il est fort. Vraiment, il est fort, Voilà, et c'est bien simple. Nous avons donné notre définition d'une clique dedans. Ah, c'est tellement il est j'étais fort. J'étais à deux quoi. Doigts de le faire, alors qu'il l'a à peine demandé. Hein. Ouais. Ça a été coupé, mais c'est la première chose qu'on a fait. Attends, avant que tu parles, Mouloud, pour nous, une clique. Je n'ai pas posé la question. C'est notre émission. Ouais, ben. Tu vas pas y couper, mon pote. C'était une séance chez le psy, quoi. On a vraiment beaucoup parlé de nous et tout. C'était très. Mais très c'était hyper pertinent. Et puis on sentait que. Bah, en fait, on a appris qu'il écoutait le podcast depuis le confinement. Question, Adrien, par rapport à Mouloud Achour. Tu as dit dedans qu'il te fallait absolument du feeling pour pouvoir travailler avec quelqu'un. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arrêter de travailler avec quelqu'un parce que tu te rendais compte pendant le truc qu'il n'y avait pas de feeling? Non, ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé de ressentir que j'étais moins à l'aise et du coup me dire bon, il faudra. Enfin, c'est un critère déterminant pour moi, mais j'ai jamais quitter un projet parce que il y avait pas de feeling. Justine, dans le dernier épisode, tu nous avais parlé d'une anecdote où tu étais avec ton amie dans un hôtel. Ouais, elle a entendu. Elle a beaucoup ri. Ah oui, ça l'a fait plaisir qu'on en parle. Oui. Attends, c'était quoi déjà, on peut rappeler? On était au Sofitel à Biarritz. Ah oui, elle faisait l'enfant sauvage. Elle faisait l'enfant sauvage nu dans les couloirs. Et après, on s'est dit merde, il y a sans doute des caméras. C'est comme ça qu'il y a eu des problèmes. Bref. Bon, bref. La question est-ce qu'avec la tournée du théâtre, tu as vécu des anecdotes d'hôtels ou des choses comme ça? Alors, des anecdotes, oui. Alors ça ne me concerne pas directement, mais il faut. On est toujours en tournée accompagné d'un régisseur, chauffeur, etc. On a un administrateur. Et on était à Monaco. Oh là là ! Gaga, tu connais bien. Et alors, l'avantage quand tu tournes avec une star du théâtre privé. Bien sûr, savoir Josiane Balasco. Une star tout court, d'ailleurs. Une star tout court, mais là, dans le théâtre privé, c'est d'autant plus. Oh bah oui. Tu es logé dans des hôtels pas dégueux. Donc nous étions à l'Ermitage de Monaco. Thierry l'Ermitage, Josiane Balasco. Non, mais voilà, c'est le splendide. Et donc, le chauffeur-régisseur appelle, on nous donne sa tribune aux chambres, voilà, tout va bien, etc. C'est très beau. Et le chauffeur de Josiane appelle l'administrateur en disant : je pense qu'il y a un problème avec ma chambre parce que vraiment je peux me perdre dedans. C'est-à-dire que c'est une suite, c'est un showroom le truc, quoi. Ils sont trompés, genre, parce que la chambre est trop ils grande. Ils sont trompés parce que c'est complètement fou. C'est bon, bref. Stars, normalement. Ben, c'est terrible à dire, voilà, ce système de caste, mais le gars se dit il y a un problème, je ne devrais pas être dans un 300 mètres carrés avec vue sur la Méditerranée. Sachant que Josiane n'a pas de chambre et qu'elle dort sur la plage. Elle dort donc dans le KGB. Et du coup, bon, ils font non, je ne pense pas qu'on était surclassé. Écoute, mec, profite, fais tes nuits là-dedans, etc. Quand il a pris un room service, on l'a facturé. Ouais. Et quand il est arrivé après à la réception pour payer son room service, il y avait écrit Monsieur M. Payet. Il s'appelle Patrick Payet, ils ont cru que c'était Manu Payet, qui était dans la tournée avec nous. Donc c'est un le dos. Gars s'est mis bien pendant je sais pas combien de temps à l'Ermitage de Monaco. Mais tu vois qu'ils ont le rib de Manu Payet et que Manu Payet a été taxé. C'est la prod, accessoirement, qui a dû payer le ah, truc. Sympa. Ouais, ouais. Non, non, mais non, c'est même pas la prod qui a payé, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir négocié une chambre. Ouais, puis ils se sont dit, c'est Manu Payet, on va le mettre. Ils ont dit, attends, on a Manu Payet, on va le mettre. Et ben non, c'est Patrick qui a récupéré la. Du coup, on l'a appelé Manu après pendant toute la tournée. Évidemment. C'est mignon! Très stylé. Mais toi, t'as plein de cadeaux en plus sur la tournée. Parce que la tournée province, tu t'es remis bien. En bouffe, par exemple. Je sais qu'on te régale. En, ouais, oui, en bouffe. Mais en c'est vrai que dans la loge, t'as toujours des petits cadeaux, des tout. Bah, tu vas avoir de crème quand on va à Vichy, des pastilles Vichy, des fleurs, des petits chocolats, des petites bouteilles quand t'es à Bordeaux. Enfin voilà. Ah, ouais, ouais. Des petites armes à feu à Marseille. Voilà, des petits cadeaux. Les petits ou des poubelles. Ouais, tout simplement. Non, bah trop bien. Gaël. Quoi? Est-ce que parfois. Oh oui, ici. Est-ce que parfois le format sketch te manque? Moi, ça me manque, Gaël. C'est une vraie question. Ouais, est-ce que te refaire des sketchs te manque? Merci, ah, Justine. Pas forcément avec Bat et Gaël d'ailleurs, mais en tout cas, juste faire des sketchs, que ce soit avec Bagel, tout ça, quoi. J'y pense un peu, mais. C'est une drôle de période, un peu de transition depuis quelques mois, quelques années, là, où, depuis justement qu'on est sorti de ce truc-là, du sketch. Avec Bat, on était à fond, justement. On l'a fait beaucoup à l'époque de Dimitri Tapper. On l'a refait avec Bat et Gaël, puis le Bagel et compagnie. Ouais. Et c'est vrai qu'après, ça faisait un peu même du bien de plus en faire parce qu'on a un peu saturé. Ouais. Et surtout, envie de faire d'autres trucs, d'autres formats. Bat avec sa série. Moi, je suis sur d'autres bails, notamment le podcast. Et là, j'ai fait musique de film aussi, la première de ma life. Allez, je suis très content, je voulais vous en parler. Bah oui, et un film qui n'est pas encore sorti, évidemment. Mais c'est chouette et c'est le genre de truc où j'ai plus envie d'aller. Et je me rends compte que même sur des formats TikTok ou Instagram et tout, je commence à plus trop avoir envie, tu vois, de je suis plus consommateur maintenant que acteur de ce genre de truc. Ouais. Alors qu'avant, c'était ma life, tu vois, de faire des vannes tout le temps. Après, évidemment, si on me propose de faire du sketch sur un truc. Oui, si le projet est cool. Ouais. Bah, j'y vais, je fonce en comédien, ouais. Tu vois, ou pas trop le truc impliquant et tout. Mais ouais. Là, il y a un petit jeune qui s'appelle Fils de la Chance. Okay. Luxon sur TikTok que j'ai rencontré et enfin pas rencontré mais j'ai vu ses vidéos, j'ai aimé et tout ça et j'ai fait une vidéo avec lui en collaboration. Trop bien. Et j'aime bien l'idée, tu vois, de voilà, un petit passage de flambeau de témoin. Sublime. Et je suis un petit peu ce qui se passe justement à la nouvelle génération et lui, je vous le conseille, Fils de la Chance. Très bien. Et je l'adore. Mais il y a Twitch aussi, toi tu t'es mis sur Twitch aussi, ouais, pas mal, ouais, c'est carrément. Aussi une évolution qui a du sens, je trouve. J'ai vu que tu t'étais mis au roleplay. Ouais, ça c'est super, ça fait un mois. Tu peux en parler un petit peu ? Bien sûr, ouais. Avec plaisir. Et j'ai fait ça il y a un mois, ça faisait quelques temps qu'on me disait « Ouais, tu devrais tôt faire du roleplay, gars, c'est ton truc. » Suite aussi, il y a eu le GTA RP qui a été le espèce de gros truc. Le RPZ, tous les streamers du The Event qui avaient fait ce truc-là, etc. Tellement j'étais au courant, je ne savais pas du tout que ça avait existé, ce truc-là. J'étais complètement passé à côté. Mais il y avait certains de mes viewers qui aimaient bien, qui m'ont reparlé du RPZ. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Justine, le RP. C'est en gros, c'est du roleplay, c'est-à-dire qu'en fait, tu joues à, par exemple, GTA, et tu dois te mettre dans la peau de ton personnage que tu joues. Non, oui. Mais par exemple, tu joues un policier, oui. Et donc tu prends une petite. Non, mais tu joues un policier. C'est de l'impro, en fait, plus ou moins. C'est tu joues un policier. Du jeu de rôle. Et du jeu de rôle, et avec une voix de comédie, enfin, de personnage ou pas, ouais. D'ailleurs, tu joues le policier, quoi. Pendant que tu joues au jeu vidéo. Et donc en stream, c'est très marrant, parce que c'est comme regarder une espèce de petit film, une petite série où tu suis le bonhomme, quoi. C'est ça, et moi, je connaissais pas du tout le truc. J'avais invité un copain dans le truc que je faisais sur Twitch, le goûter, et c'était Dylan. Il m'avait dit, tu devrais tester. Moi, je travaille mon acting sur ce truc-là. Et là, je dis, attends, il travaille son acting en jouant GTA, c'est quoi le délire? Je comprends pas. Et en fait, c'est assez intéressant parce que techniquement, c'est des geeks qui ont rajouté un patch pour pouvoir modifier un petit peu GTA pour faire du jeu de rôle. Trop et comme il dit, si t'es un flic, tu fais vraiment un flic, t'arrêtes des méchants. Il y a beaucoup de voyous, des gangs, des vendeurs de drogue et tout. Et moi, j'ai créé un personnage qui s'appelle Francis McDouglas avec un petit mulet qui est un petit peu candide, un peu naïf, qui débarque dans ce monde-là et qui vit des belles aventures. Hier, il s'est fait arrêter par la police sur la plage parce qu'il vendait de la cocaïne. Oh, le petit coquin. Dis donc. Et c'est très marrant. Et c'est vrai que vu que j'aime bien faire de l'impro et de la rigolade, là, c'est cool parce que tu te lances dans des sessions de 2h, 3h où ce qui est bien, c'est que t'es en interaction avec les gens. Tu marches dans la rue, tu vois un mec qui débarque en dérapage devant toi. C'est un autre joueur qui est chez lui, qui joue un personnage. Oui, c'est ça, et tu rentres en interaction avec les gens. Oui, c'est vrai. ça c'est pas, pas dit. Ouais, ouais, c'est ouais. Pas mal. Ah, mais moi, quand j'avais vu GTA RP, je m'étais dit, mais j'ai trop. Avec Adrien et tout, d'ailleurs, j'ai trop envie de faire ça, quoi. Ça c'est génial. Trop marrant, ça a l'air ouais. Trop marrant. Et je vous verrais bien le faire. Et en plus, à chaque fois que moi j'en parle à d'autres potes, je dis, putain, tu devrais essayer, parce que c'est comme ça que moi qu'on m'a un petit peu introduit dans le truc. Moi, j'ai pas de PC, c'est juste ça qui fait. Ça handicap de mon côté, du coup, pour jouer. Mais par contre, non, j'ai été accueilli sur un serveur, c'est le 21 Jump Click. C'est un gros serveur français où il y a Alex Click, où il y a. Il y a Darkoni, enfin il y a plein de gros streamers qui sont connus pour ce truc-là de RP et c'est chouette et justement c'est un serveur où ils font attention à pas que ça parte pas trop en couille sur des propos machistes, homophobes et compagnie. C'est assez parce qu'il y a d'autres serveurs où c'est un peu plus la fête du slip et là ils font vraiment attention même si c'est quand même des trucs de gang de violence et mais tout. C'est cool, tu vois, il y a quand même voilà, il y a une charte qui est assez stricte, donc il faut pas, tu peux pas faire de la merde. Mais tu joues ton personnage et il y a des gens qui gardent des persos pendant 3, 4, 5 ans. Trop bien. C'est un bon truc. Voilà. 7 ans, parfois. 8 même. Peut-être. 8 ans. Mais voilà, c'est très rigolo. Oh. 9 ans 9 ans et demi. 11 ans. 12 ans. La boule. la boulasse. Adrien. Encore ? Mais c'est ma fête aujourd'hui. Bah non. C'est la Saint-Adrien. Non. C'est le 8 septembre pour info. Parce que c'est pas dans le calendrier, donc je vous le dis. Ah oui, tu fais partie de ces gens. Oui. Donc c'est la Saint quoi qu'on fête ? Il y a rien, je crois qu'il y a marqué Nativité de Marie, un truc comme ça. Oh bon, génial. La merde. La fête à Adrien, par contre, ça on s'en fout. Bah 8 septembre, voilà. Est-ce que tu serais intéressé pour lancer une sorte de bonne auberge à toi, à savoir un jeu de rôle où tu serais maître du jeu ? Et eh ben c'est bonne question. Oui bien sûr, mais c'est d'ailleurs en discussion. Alors ce serait, c'est pas sûr que ça va se faire, mais j'en ai parlé avec Lucien et peut-être faire des épisodes bonus de la bonne auberge où moi je suis maître de jeu. C'est parce que même lui il pourrait du, enfin ça doit avoir envie des fois d'être un peu de joueur. Carrément. Et Lucien, on en a parlé. Peut-être que je serai maître de jeu sur le jeu In Nomine Satanis Magna Veritas. Bien sûr. Je possède. Le truc que je hurle quand je jouais, moi, personnellement. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un jeu avec où tu joues des anges et des démons. Un peu Dogma, grosso modo. Bien sûr. Mais qui se passe, du coup, à l'époque actuelle et tout. Donc, moi, ça me ferait marrer de masteriser ça. Oh, le master. Du coup, on va voir. Peut-être un épisode bonus. Mais c'est en discussion. C'est pas sûr, mais on verra. Ce serait très cool. On verra. Ça dépendra de trucs. Recommandations culturelles, chers amis. Les auditeurs qui nous écoutent, on a envie que vous leur conseillez quelque chose que vous avez mis à sa main. Alors, ça peut être des films, ça peut être de la musique, ça peut être des pièces de théâtre, des bouquins. J'ai un truc. Adrien, alors tu sais quoi, je vais commencer parce que moi j'en ai deux. Bah oui, il y a le P de ton frère. Exactement. Et non pas le P de mon frère. Le P. Eh le oui. Non mais c'est vrai que je suis pas très objectif, mais en même temps j'ai vraiment adoré ce truc. C'est. Ça a l'air très bien. Moi je voulais l'écouter sur le chemin puis j'étais trop pressé, j'aurais pas. C'est hyper. Ça s'appelle nul, Hyperion. Mon intervention encore. Je suis. Non mais je qu'est-ce qui se passe ? Quel c'est naufrage. C'est l'hebdo, c'est l'hebdo, ça nous fume de fatigue. Un naufrage. T'es le Titanic, mon pote là. Y a qui sur ta nuque ? DiCaprio. oui, donc c'est l'EP Hyperion de Théo Bernard. C'est sur toutes les plateformes de streaming. Alors c'est pas des musiques avec refrain, couplet, chanson, enfin chanteur, pardon. C'est un peu de l'instrumental. C'est un peu, moi j'appelle, je trouve que ça me rappelle des musiques de films. Ouais. Je les partage en story et j'ai trouvé que j'avais trouvé la bonne petite formule. C'est un peu comme si Muse avait fait la BO de Stranger Things. C'est-à-dire qu'il y a un peu des sons des années 80, des synthétiseurs, des trucs comme ça, et en même temps des guitares électriques, des envolées un peu lyriques, voilà. Donc bon, encore une fois, moi Théo, il a fait la musique du Bureau des Rêves qu'on avait fait avec Justine et Adrien. Il y a 35 ans. À l'époque, elle était brune. Souvenez-vous, c'était des vrais cheveux. J'étais c'était vrais gothique. Cheveux. Elle était gothique. Il a fait Âge Moyen, Eglandine. Il a fait des musiques pour Natou. Il a fait quand même, parce que c'est de famille, les chansons paillardes de Cyprien, oui. Soirée raclette. Avec le truc à raclette dans le cul. Oui. Bon, alors c'est très éloigné. Il a fait Vladimir Cauchemar. Vladimir Cauchemar en intro au Bataclan, en intro du Floodcast. C'est vrai qu'il en a fait ça. J'avais un peu oublié Vladimir Cauchemar. Mais il a fait les concerts aussi avec les 1000 musiciens. Ah oui, Stade de France. C'est ça, il a fait le rock. Ouais, ouais. Il avait adoré cette expérience. Mais en tout cas, l'EP est vraiment cool. Je vous invite à l'écouter. Ça s'appelle Hyperion, Hyperion. Et voilà, c'est sur toutes les plateformes de streaming. Et ma deuxième reco, alors pour le coup, c'est sorti il y a des années et des années, et tout le monde le connaît, mais moi j'ai jamais lu. On m'avait toujours dit, mais Flo, toi tu vas adorer. Et comme tous les trucs où on me dit ça, je fais oui, bah on verra, machin. Je l'ai enfin lu et j'ai effectivement adoré. C'est Le Combat Ordinaire de Manu Larsonnet. J'adore. Bande dessinée. Génial. Que je n'avais jamais lu et j'ai lu les 4 tomes en un après-midi. C'est trop bien. Je n'en suis pas sorti avec la grande banane, pour être tout à fait honnête. Oh, je suis. Mais. Je trouve 4 d'affilée. C'est ça. Mais en même temps, c'est très beau. Ouais, c'est pas que badant. Hein. C'est quand même. Il y a des jolis moments. En fait, c'est vraiment. Alors, le mot doux amer, on l'utilise un peu pour tout et rien, mais il y a un truc de vie qui est super juste, qui est pile dessus de les jolis moments qui peuvent arriver dans des moments de détresse terrible et l'attente et l'humiliation et la honte et le doute et machin. Et j'ai adoré cette BD, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup touché et j'ai trouvé ça vachement bien. Et puis, ça parle un peu d'une France aussi dans laquelle moi j'ai grandi. Et la France des usines, la France, un peu de droite, etc., où toi tu grandis là-dedans. Enfin. Il y a eu un nombre de trucs qu'on fait écho à moi en lisant la BD où j'étais genre oulala, beaucoup, c'est très proche là. C'est générationnel aussi, ça tape. Moi je suis beaucoup plus jeune que Manu Larsonnet en vrai. Avec la BD la quasi. Calme-toi. C'était bien 10 ans que c'est sorti. Peut-être, presque au même moment. Ça est sorti il y a 20 ans parce que le premier tome c'est pendant l'entre-deux-tours Chirac Le Pen. Donc c'est déjà en 2002. Ah ouais, c'était il y a 20 ans le premier tome. Oh, putain la vache. Mais donc voilà, Le Combat Ordinaire de Manu Larsonnet, c'est 4 tomes, ça se lit très vite parce que c'est des toutes petites. Enfin, c'est pas très épais. Et voilà, et je vous le conseille parce que c'est vachement touchant, c'est quand même un peu drôle, moi je trouve. Enfin, il y a quand même aussi des moments un peu comiques. Et j'aime bien le dessin justement un peu franco-belge sur des mots un peu durs. Enfin bon, bref, j'ai vraiment trouvé ça. Et là, j'ai commencé Blast. C'est encore plus dark. Donc Blast, ça, je fais des pauses. J'ai fini là, le tome 1. Gaspard Noé. C'est ça. Ouais. Mais c'est vachement bien. Blast, j'ai fini le tome 1. On m'a dit que les autres étaient encore pires, donc j'ai fait petite pause. Et puis après, on ira doucement. J'ai une anecdote sur Larsonnet. C'est que dans le Retour à la Terre, tome 3, je crois, il m'a dessiné. Ah bon ? Un moment, dans une case, il y a une foule de gars. Et il y a, bon, c'est moi à l'époque, donc et il y a un perso avec une espèce de bouc dégueulasse avec écrit AK sur sa casquette parce que c'était mon pseudo. Incroyable. Parce que tu connaissais Larsonnet. On se connaissait. En fait, en gros, il aimait bien mes dessins et moi j'aimais bien ce qu'il faisait et tout. Donc on avait échangé parfois et tout. Et du coup, j'avais découvert ça comme ça. J'avais vu qu'il m'avait dessiné. Donc, je crois que c'est dans le tome 3. Il avait fait. Je parlais. Il est un peu ronchon. Vas-y. Il avait fait un truc sur Karate Boy, je crois. Il avait dessiné Karate Boy. Davy lui avait demandé. Ouais, mais Davy est très fan. Moi, c'est par Davy que j'en avais entendu parler. Tiens, Justine, tu vas nous donner ta reco, comme ça après tu pourras aller retrouver ton petit chien qu'on est en train de décéder. Qui pleure. Les voisins doivent être trop contents d'ailleurs. Il n'y a pas de voisins. Ouais, il y en a. 1000. J'ai vu Balle Perdue, dis donc. Ah bah alors. Oh bah, 2 ans après tout le monde. Ah bah alors. Bon. Bah c'est vachement bien. Ah c'est vachement c'est bien. Grosse bagnole. Parce que j'ai vu Seb Laden et qui m'en a parlé, etc. J'avais pas eu le qui temps. Joue dedans. Un gros méchant. Ouais. J'avais pas eu la curiosité d'aller voir. Je suis très contente de l'avoir vu. On a fait un épisode spécial, assez spécial. Enfin, on en a parlé quand il était sorti à l'époque avec le réalisateur Guillaume Pierret, Alban Lenoir et Seb Laden. Et bah j'écouterai. Et écoute, voilà. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour un bouquin où j'avais l'impression que c'était moi du début à la fin. J'ai lu L'Amie prodigieuse d'Hélène Ferrante. Ah putain, ça va, Melon, hein. La rousse trop bonne et trop talentueuse. j'ai lu ça. Et c'est 4 tomes et ça se passe dans les années 50 à Naples. Voilà, c'est une histoire d'amitié entre deux petites filles qui vont grandir et c'est sur toute une vie. Oui, avec un peu de jalousie. Ah, mais un c'est peu terrible. De... C'est vraiment. On en a parlé en de très bons termes. Passionnant. Et vraiment, je vous conseille à toutes les femmes de lire ça. D'accord, ok. L'Amie prodigieuse. L'Amie prodigieuse. Est-ce que tu sais qui est l'autrice? Hélène Ferrante. On ne sait pas qui c'est. C'est un pseudo. Ah, et voilà, on connaît pas son visage. Potentiellement Daft Punk, du coup. Exactement. Okay, c'est Daft Punk. C'est Daft Punk. Écrit par Daft Punk. Ok, très bien. Adrien Méniel. Moi, c'est un jeu. Ah, bah, comme par hasard. Alors, on peut y jouer. C'est sur le navigateur, donc sur le téléphone, partout. Ça s'appelle Semantics. Je sais pas si vous avez entendu parler. C'est un peu dans la lignée de Wordle et tout ça. Oh là là. Et en gros, le principe, c'est que. Donc, il y a un mot par jour, comme Wordle. Et la façon de découvrir le mot, c'est. En fait, on propose un mot. Et le jeu te dit à quel point tu es proche ou éloigné en termes de sémantique. C'est-à-dire, si le mot est relativement proche, il est à peu près dans les mêmes champs lexicaux ou pas du tout. Mais c'est français ? C'est français, trop bien. C'est-à-dire que c'est l'adaptation d'un jeu anglais qui s'appelait Cemental, je crois. Okay. Et là, c'est en français. Et donc, du coup, la façon dont. Enfin, l'algorithme, en gros, dit. Il analyse plein de phrases. Et par exemple, si le mot que t'as utilisé, le mot que t'as proposé, il est retrouvé dans d'autres phrases à la même place que le mot que tu cherches, il va dire ah bah c'est assez proche, tu vois. Ou alors s'il est souvent utilisé dans la même phrase, il va, ça va te dire qu'il est proche et tout ça. Et en gros, c'est tu proposes des mots, tu proposes des mots, puis de temps en temps tu te dis ah ok, donc là c'est plus près que là, donc tu vas dans une certaine direction et petit à petit tu arrives à découvrir, quand tu t'as de la chance, à découvrir le mot à trouver. Mais c'est assez dur. Ouais. Mais c'est vraiment, je trouve ça trop trop prenant, quoi, et trop marrant. Il enfin, y a beaucoup de gens qui connaissent, mais c'est une sorte d'enquête, ouais. Mais sur le vocabulaire, quoi, sur la sémantique. Là. Oh, c'est intéressant. T'es le mec le plus cool du monde, tu m'entends? Je suis cool, là je peux plus parce que je suis en train de ken à fond, tu vois. Mais sinon, je joue à sémantique. Gros buzzer. C'est quand il joue à sémantique, c'est y a tout le monde sonne à sa porte en disant baisse-moi. Ouais, les voisins savent, du coup, c'est, dans le quartier, tout le monde sait que je joue à sémantique, c'est du coup, waouh, c'est lui. Salut, beau gosse. Gaël. Bah moi j'aimerais revenir deux secondes sur le podcast parce qu'on en a parlé très très vite au début de l'émission et c'est petit projet du cœur parce que c'est un truc que j'ai écrit. Ah mais je comptais, bon, comptais en parler, oui, bien sûr. Ah, dans ta promo. Donc voilà, donc je fais un tout petit coup d'autopromo après. T'as raison. Et donc ça s'appelle Les carnets du docteur Bouffier, c'est coécrit avec Franck Belloc, mon cher ami. Évidemment. Que l'on connaît. Franck Kiki de Groland. Jean-Luc Cano aussi, qui est auteur, qui a écrit La Couille Cosmique avec nous et qui a co-créé le jeu Life is Strange, le jeu vidéo. Ah même. Ouais. Ouais. Il fait des BD, il fait plein de trucs, il est hyper actif. Jean-Luc, il a de la thune. Il a de la moula. Ouais. Et donc j'ai écrit avec eux, j'ai fait la musique aussi, le sound design, et la voix c'est interprétée par Gilbert Lévy. Bien sûr. Le bon Gilbert qui fait la voix de Mo dans Les Simpsons et qui chante le générique. Et de Monsieur McKay, oui, voilà. Ouais. Et le méchant dans Phantom Force. Exactement. Ouais. Et on le connaît, on adore sa voix, et il fait aussi des personnages dans God of War. Il fait Brock, celui qui répare les épées là. Et c'est marrant de l'entendre, plein de voix off dans les années 90 de persos secondaires dans plein de films, notamment dans Independence Day. Ah bah il joue, oui, là, le mec dans l'avion, l'alcoolique bien dans l'avion, sûr, qui évidemment. Se suicide voilà. Et salut les mecs, enfin, j'ai vu c'est trop bien. Et bref, j'adore Gilbert, j'adore ce gars, il est génial. Et on l'avait rencontré sur La Couille Cosmique où il avait fait un personnage un peu lubrique. Et voilà, et donc ça raconte, il y a 3 épisodes sur la plateforme, donc Cybèle. Et voilà, et c'est, en gros c'est des histoires un peu à la Pierre Belmar, tu vois, des trucs un peu de faits divers mi-fantastique, mais c'est comique. Voilà, mi-comique, mi-fantastique, c'est ça. Absurde humour noir, donc entre Groland et Pierre Belmar. Et voilà, donc ça c'est un petit projet du cœur, et fait de manière indépendante sur Cybèle. Mais oui, parce qu'en fait c'est des gens avec qui tu bosses depuis très longtemps. Oui, on l'a produit nous. Le ping-pong, L'Oréal Ping-Pong Club, avec qui tu bosses depuis des années maintenant, c'est un peu c'est une histoire de longue date. Bah, c'est des copains, hein, c'est Franck Belloc. Mathieu Longue Date d'ailleurs. Jean-Michel Bensoussan, et donc Jean-Luc Cano qui nous a rejoint aussi dans l'aventure. On avait fait une série qui s'appelait José sur OCS, on a des films aussi en développement. Avec entre autres William Lebgill. Tout à fait, le bon. C'est vachement bien. Et on a là, on a pareil des projets de films et tout. Bah, le truc que je te disais tout à l'heure, la musique de film, et on a des petits doses qui arrivent, ça prend du temps. C'est génial de rester avec la même équipe et tout, d'aller dans divers projets, que ce soit un film, un podcast, enfin de la série audio, c'est trop bien. Ouais, on avait fait aussi une émission sur Nova il y a 2-3 ans, l'été. Oui. Avec, avec Jérôme Niel, oui, avec je m'en souviens bien avec sûr. Avec Anne de Petrini aussi. Oui, c'est ça. C'était un peu concept, c'était un peu étrange comme truc. Et donc, oui, on a une petite team comme ça, on s'amuse, on se retrouve. Et voilà, donc le petit chien. Les carnets du docteur Bouffier sur Cybèle, voilà, c'est un petit projet du cœur que j'aime. De toute façon, on va mettre le lien dans la description, donc n'hésitez pas si vous voulez cliquer pour aller écouter ça. Et j'ai 2 petits trocos vite. Ah bah, je t'en supplie. Des trucs que j'ai aimé ces derniers temps, c'est un bouquin qui s'appelle Sale Chien. De JB. C'est bon, on a compris le message, Gaël. De JB Anak qui raconte ses années un peu folles avec son frérot. Son frère, ils avaient un groupe qui s'appelait D-Damage, et c'est vraiment très punk, tu vois. D-Damage, je connais. Voilà, c'est très punk, c'est très... Ah oui, d'où le sale chien. D'où le sale chien, parce que moi j'ai déjà fait des soirs avec eux, voilà. Ça dégueule sec. C'est très fort. Sur la bière, il y a 2 chiffres, le 8 et le 6. Et en plus, son frère est décédé il y a quelques années, donc c'est... Non, mais c'est... génial, bah voilà. Nous laisser dire des trucs horribles. Non, mais parce que c'est aussi un... Donc la boule, c'était drôle, et maintenant on peut plus... Non, parce qu'il repense à ses années de tournée folle et très punk avec son frérot. Et voilà, c'est très cru, très brut, et c'est magnifique. Et je vais finir. Il y a des anecdotes, des trucs comme ça de. Ouais, c'est la tournée trash, quoi. On parlait des anecdotes d'hôtel, là tu t'es servi avec ça le chien, donc je vous le conseille vraiment. Ok. Et sinon, une BD qui m'a beaucoup plu aussi, c'est Les Portugais. C'est écrit par Olive. Non, ça c'est un peuple. Bon, je vois. Que Adrien qui bouge la tête. J'ai pas ce qu'il fait. Non, c'est Olive Afonso qui a. Je vous montre la pochette. Eh oui. Oh. C'est Olive Afonso qui a une boîte de FX. Il fait des FX de make-up. C'est oui, bien sûr, mais il est très connu d'ailleurs. Il est ouais. très fort. Il avait fait le film Girls with Balls aussi sur Netflix. Exactement. Ouais, bien sûr. Écrit par Jean-Luc Cano. Oh là là, mais dont je vous parlais tout à l'heure. Tout ce recours pour aller chez le coiffeur ou quoi. Et non, mais c'est marrant parce qu'ils font beaucoup d'effets spéciaux, donc plastique. Ouais. SFX, on dit, je crois. Ouais. Il fait tous les trucs de Monsieur SFX, Oiseau. Oui, c'est ça. Il avait fait aussi. SFX, c'est le son. Ah, d'accord. Tout le truc de rock'n'roll aussi. C'est lui qui avait fait la tête chelou de Canet à la fin. Tout à fait. C'est toute cette équipe. Là, ouais. Non, je crois même c'est un des mecs les plus connus dans ce métier-là. Hein. Ouais. Enfin, c'est un mec le plus fort. En prothèse, ouais, c'est ça. Tout ce qui est zombie. D'ailleurs, l'atelier qui est à Montreuil, c'est assez marrant parce que t'as des mecs, des boyaux partout, un mec accroché avec les pieds en l'air avec des crocs de boucher. Donc c'est assez perturbant quand tu vas là-bas. Et bref, Olivier donc, est d'origine portugaise. Il raconte la vague d'immigration dans les années 70 de son père portugais. Et c'est fou parce qu'il y a plein de trucs que je connaissais pas, les espèces de bidonvilles autour de Paris. De la communauté portugaise, c'est un des trucs vraiment hallucinants qu'on soupçonnait mais pas du tout, et c'est assez touchant. Donc bon, je conseille ça, Les Portugais, c'est une BD qui est sortie il y a très bien. Semaines. Et bah, génial, trop bien. Bon, écoutez les amis, merci beaucoup, trop cool. Justine, on peut te retrouver, alors la tournée est terminée du chalet Hallstatt, mais tu reviens à Paris. Mais viens, je t'en supplie. Viens dans le micro. Oui, à partir du 16 septembre, t'as des nouveautés. Très bien. Et des nouvelles du court-métrage aussi futur ou par rapport à la diffusion de Je suis ton père, des choses comme ça? Non. Très bien, très bien. Ok, bon bah écoute, tu reviendras. Tu es une habituée, t'es chez toi ici, t'es à la maison. Donc Gaël, on en a parlé, les carnets, tout bonnement, de qui? Du docteur Bouffier. Tout simplement. Trois épisodes sur Cybelle. John Lamouk, il y a de la tournée aussi un peu. Non, il n'y a pas des dates là, des trucs. Ouh, tu fais bien en parler. On a sorti donc Hard Mook il y a deux mois. C'est un nouvel album dans la continuité de Heavy Mook, sauf que là, on s'est attaqué au hard rock. Et nous allons faire la première date au Hellfest en ouverture au Metal Corner. Trop bien, félicitations. Le jeudi soir, merci. Félicitations. Tu es au fût, je crois. Je suis à la batterie. Exactement. Tout à fait. Je tape. Tu tapes comme un salaud. T'es un salaud d'ailleurs. Je tape. Ouais, je suis un gros bâtard. D'accord, très bien. Adri Miel, du Derby Girl et du Visitor, j'ai l'impression. Oui, voilà, Derby Girl sur Slash et Visitor sur MyCanal, Warner TV. Sur Warner TV, parce que j'ai eu le malheur de dire c'est sur MyCanal. On fait, moi j'ai une offre MyCanal, j'ai pas Warner TV. Oui, parce qu'il faut machin. Avoir l'offre cinéma, machin, c'est ça. Etc. C'est ça. Mais faut raquer. Mais je crois que tout n'est pas dispo. Je crois que c'est non, tu peux pas binge-watcher. Ça sort tous les deux jours ou un truc comme ça, je crois. 3 par 3, je crois. C'est ça. OK. Par tranche de 3 épisodes Visitors écrit et réalisé par Simon Astier. Merci les amis. Merci à toi pour l'invitation, quel plaisir. C'est toujours un plaisir. On se voit la semaine prochaine et puis merci tout le monde. Salut, ciao. Bye. Bisous. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. T'es prêt Florent? Vas-y. 3 2 1, chaussures. Alors, qui a dit quoi? Moi j'ai dit chaussures, kombucha. Kombucha. Canapé, moi j'ai dit. Moi j'ai dit n'importe quoi. Bon, j'ai allez, rien dit. Jeu, allez, on jeu. Arrête, c'est terminé. Super. Ah ouais, on met ça. Putain, ça valait le coup de jouer. On met ça à la fin de l'épisode. Allez, c'est la fin du jeu. Ça m'a perturbé, je vais me dire.